occupé de cela parce que tu travailles au même endroit. Mais je suis d'accord. C'est une histoire d'amour ou pas? T'as pas répondu. Moi, oui. Après, oui, je sais pas encore. Ah, mais c'est la question à poser. Hein. On dit pas parce non que... à l'amour, Émilie. Non, mais attends, ouais. si c'est simplement pour lui un amusement, entre guillemets, qu'il trouve sur place, en plus, il n'a pas à se déplacer. Ouais. Voilà, donc là est la vraie question. Parce que là, s'il profite de sa supériorité hiérarchique pour coucher avec toi, c'est limite. En revanche, s'il est amoureux, je trouve ça bien. Toi, Alice, tu pourrais sortir avec quelqu'un qui travaille à la radio, un animateur Non, elle ne sortira pas avec toi. À mon avis, elle ne va pas sortir avec toi. Mais j'ai rien dit, moi. Ouais, bah, c'est la question que je pensais à Greg. Greg, qui aime beaucoup Alice. Là, étant en couple, tout ça, non, enfin, dans ce genre de circonstances, mais après, sortir avec quelqu'un du boulot, je ne vois pas où est le problème. Bien sûr. Ouais. C'est là que se font beaucoup de rencontres, d'ailleurs. C'est vrai. Avant, oui, bien sûr. La majorité des couples se forment au travail puisque c'est là qu'on passe le plus de temps dans sa vie. Émilie, si t'es heureuse comme ça, moi je vois pas où est le problème. Hein. Profite. Non mais attends, pose-lui la question. Hein. Ouais. Parce que je lui dis, écoute, voilà, dans la situation dans laquelle on est, si c'est simplement bon pour toi un amusement, je voudrais le savoir. Moi, ça me pose un problème parce qu'en plus, je suis amoureuse de toi. Tu dois lui dire, cache ce que tu ressens. Et lui, s'il dit, je suis pas amoureuse de toi, pas amoureuse de toi, à toi de voir, mais voilà, tu risques de souffrir. Si tu veux, on peut t'aider, on peut l'appeler, hein, ouais. On va lui dire. Il travaille de nuit, il répond pas au téléphone. Bon, suis bien les conseils du doc, Émilie, d'accord? D'accord. On te fait des gros bisous. Merci beaucoup, les filles. Salut, Émilie. Vous faites comme Émilie, hein, n'hésitez pas à nous appeler tous les soirs, 01 42 48 5000. J'aimerais qu'on remercie Alison, notre auditrice du soir. Alison, tu as été parfaite. Merci. Je te mets un 20 sur 20 et tu vas repartir avec ton cadeau de l'auditrice du soir. C'est un cadeau magnifique que va tout de suite te décrire Kassim. Quel est le cadeau de Alison ce soir? Qu'est-ce qu'on a dans le bureau qu'on pourrait lui offrir? Alors, il mesure 1m80, il a les yeux verts, il est brun, il a des lunettes, il est plutôt beau gosse. Ouais, alors c'est il s'offre. Tu vois un peu le mec. C'est qui? C'est moi. Ah, c'est toi. Et j'arrive tout de suite à la fille. Ah oui, fille, Alison, ne le prends pas, ce cadeau pourri. Je préférerais Guillaume quand même. Excusez-moi, mais. Standard. Je peux dire ce qui est vrai. Ah ben écoute, on va te le repasser en antenne, Alison. D'accord. Ah, vous ne faites pas de cadeau, vous êtes pourri finalement. Attends, Kassim, je veux sûr que pleure si. Un peu, on dirait. Ah, mais qu'est-ce que tu fais comme cadeau là? On va lui envoyer un sextoy à Alison. Et ouais. C'est cadeau. Ce sera encore mieux que Kassim et Guillaume réunis, tu verras. Petit sextoy, lui apporte. On n'est jamais déçu d'un bon sextoy. Exactement. Je te fais des gros bisous, Alison, et merci beaucoup. Merci à tout le monde pour cette soirée qu'on a passée avec vous. On se donne rendez-vous dès demain, bien sûr. Love and Fun, c'est tous les dimanches, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi. Du dimanche au jeudi, 20h-22h, on va retrouver le Night Show. Bonsoir les filles. Salut. Les filles sont là. Salut. Salut. Oh là là, il va se passer plein de choses ce soir. Ouais, ce soir, c'est une émission vraiment spéciale. Alors, je sais que j'ai pas le droit d'en parler. J'ai pas le droit de dire une seule des surprises. Non. Mais je peux vous dire juste que celle qui va prendre très très cher ce soir, c'est Marion. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. T'es au courant ou pas, Marion? Bah, si t'en réservé. Je sais quelle est ma phobie, donc je me doute un peu, mais voilà, j'ai pas vu. Ce truc vu de. Quoi. Ah, c'est tarentule et c'est ça. Arrête enfin, non, j'en dis pas plus. C'est quoi les serpents dans le couloir? C'est quoi les serpents dans le couloir? Non, c'est des boas constricteurs, c'est très dangereux, on n'en parle pas. C'est quoi ta phobie, Karel? Moi, j'étais allé chez Bruno, justement, dans son émission le matin, où il m'avait confronté à ma phobie. C'était le grand défi et tout machin. Ouais. Et il m'a mis une tarentule sur le visage, enculé. Ah bah je m'en souviens encore. J'ai eu des tremblements bizarres, comme si j'étais possédé. Alors que t'étais pas très viril. Juste Karel, un conseil, quitte très vite la radio, hein, si tu as peur de toutes ces choses-là. Et je m'en vais. Voilà. Je ne suis plus là. Bisous les filles. Salut. Ce soir, dans le Night Show. It's the Night Show. Ils vont trembler de peur. Arachnophobie. Galactophobie. Agoraphobie. Coulrophobie. Ce soir, tous les membres de l'équipe du Night Show seront confrontés à leurs plus grandes angoisses. Vont-ils avoir la chair de poule? Sont-ils prêts à affronter leur phobie? Vous allez le découvrir ce soir dans le Night Show spécial phobie. Et croyez-moi, ils vont flipper comme jamais, comme jamais, comme jamais, comme jamais. Tous les soirs, 22h minuit. Welcome to the Night Show! Marion. et Anso. The Night Show. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous et bienvenue sur Fun Radio. Hyper content de vous retrouver pour ce 2 octobre un petit peu spécial. Hein. Marion et Anso en direct comme chaque soir jusqu'à minuit. Avec une émission, vous l'aurez compris, avec cette voix qui fait très peur. Une émission spéciale phobie. C'est-à-dire que toute l'équipe du Night Show va être confrontée à sa propre phobie. Et puis vous, vous allez nous raconter les vôtres aussi. Hein. J'angoisse carrément. J'angoisse carrément parce que je vous explique. Évidemment, chaque membre de l'équipe a donné sa phobie. Ouais. Hein, du coup, on sait à peu près à quoi on va être confronté, mais on ne sait pas sous quelle forme. Non. Tu vois, moi par exemple, je ne sais pas ce qui m'attend. Je vais vous donner ma phobie dans un instant. Et j'ai très peur. Anso, je sais ce que je lui ai réservé. Ouais. Et je pense qu'elle flippe aussi. On n'est pas bien. On est comme ça. C'est un peu bizarre parce qu'on se retrouve tous habituellement le dimanche, toute l'équipe du Night Show dans le bureau. Ouais. On se retrouve tous, on est hyper contents, genre en mode trop poteau. Et là, en fait, on se déteste. C'est ça. Et on voit des trucs passer, des animaux, des trucs qui se cachent, des cuves. Enfin bref, c'est le gros bordel. Mais ça va être une soirée de malade. Donc restez là, on va parler des phobies toute la soirée. Appelez-nous là, 01 42 48 5000. Même si vous avez de la phobie ridicule, c'est pas grave, on en parle ensemble, on partage. Et tout à l'heure, on aura aussi un psy au téléphone. Ouais, c'est ça. Une psychologue même qui va nous expliquer les origines des phobies, comment on peut les surmonter, tout ça. Qui va nous raconter peut-être les phobies un peu marrantes auxquelles elle a été confrontée. Ouais, et puis peut-être des solutions, histoire de vous aider aussi, c'est ça le but. Exactement, on vous a aussi trouvé les pires phobies sexuelles, les phobies les plus drôles du monde. Bref, soirée de malade. Et puis on sera en Facebook Live toute la soirée pour que vous puissiez suivre en même temps les épreuves. Alors du coup, Marion, la France s'interroge. Oui. Quelle est ta phobie à toi ? Alors moi, je sais que ça va vous paraître ridicule. Ceux qui me suivent le savent très bien. J'ai un dégoût profond et une véritable phobie pour le lait. C'est-à-dire que j'ai arrêté le lait à l'âge de 1 an. Dès que j'en voyais, je vomissais. C'est très vomitif chez moi. Et donc là, aujourd'hui, c'est pareil. Tout le monde me dit ça n'a pas d'odeur, mais moi, je sens une putain d'odeur. Tout le monde me dit ça n'a pas de goût, mais moi, ça me dégoûte. Et la vision du lait me fait tourner de l'œil. Voilà, je vous le dis. Je vous explique en revanche, puisque moi, je connais un peu les coulisses de la phobie de Marion. Elle sera confrontée à sa phobie, mais pas face à un verre de lait. Arrête tes conneries. Ce sera beaucoup plus énorme que ça. Hein. En plus, là, c'est vraiment des bâtards parce qu'ils m'ont quand même dit prends un maillot de bain. Donc je sais à peu près le délire et ça m'angoisse de mille. Ouais, c'est un peu ça. Anso, c'est quoi toi ? Moi, j'ai la phobie des clowns. J'ai horreur des clowns. Mais depuis que je suis toute petite, je trouve que le clown n'a rien d'amusant. En fait, c'est pas du tout amusant dans les cirques et tout. J'ai horreur de ça. Bon. Et tu sais à peu près ce qui t'attend. Oui, j'en ai peur, mais mon Dieu, ça m'angoisse. Je sais pas en plus quand ça va arriver, mais je sais que ça va arriver. Sois prête. Bon, en tout cas, il y aura de la phobie évidemment. Ce soir, on va découvrir la phobie de tout le reste de l'équipe, mais on va écouter du bon son quand même aussi. Ouais. Ah, le tout nouveau Bob Sinclair. J'adore. On vous l'a fait découvrir toute la journée vendredi dernier. Mm-hmm. Et je me suis dit, mais on va l'écouter ce soir dans le Night Show. Hein. Pas de raison, hein. Puis on écoutera aussi le nouveau Lost Frequencies. Ah, il est smooth. Il est smooth, il donne envie de faire des câlins. Il donne envie de se baigner dans une piscine de lait. Enfin, que sais-je. Arrête ! Non, pas une piscine, déconne pas. Enfin, que sais-je. Je pourrais jamais y aller. Hein. Ah non, mon Dieu, ça me dégoûte. Bonsoir Amir, des réseaux sociaux. Salut Marion, salut Anso. Ça va Bichon ? Pas trop. Alors Amir, évidemment, vous répond là sur les réseaux, hashtag le Night Show. Et Amir a une phobie bien particulière. Quelle est-elle, Amir ? En fait, j'en ai donné trois justement. Alors vas-y. Je sais pas laquelle je vais avoir ce soir. J'ai donné araignée. Ouais. J'ai donné les aiguilles. Ouais. Et mais ça, je pense pas, mais j'ai peur des grands ventilateurs. non, mec, ça, on savait pas trop quoi faire avec le ventilateur. Tu sais, moi, j'ai la peur des fonds marins et je me doutais bien que vous n'étiez pas m'envoyer dans les fonds marins. D'accord, donc ça se joue entre araignée et aiguille. Soit l'araignée, soit les araignées, les migales, tout ça, je déteste. Ouais. Ou soit les aiguilles. D'accord. Et l'un comme l'autre. J'ai envie d'annoncer maintenant à Amir ce qu'il attend. Moi aussi. Vous me dites non, l'équipe, mais j'ai envie de lui dire. Je te dis. Ouais. Et les auditeurs de Fun, franchement, restez là, parce que la phobie d'Amir, c'est celle que j'ai le plus hâte de voir. Alors, il s'agit des aiguilles, donc Amir. Oh putain, non. Nous avons fait venir ce soir un perceur qui va, avec une grande aiguille, te percer le nombril. Ouais. Il fait la gueule. Ah ouais. Mais c'est pas content. Alors, non mais t'inquiète pas, c'est une toute petite aiguille de rien du tout. Elle est énorme. Et puis le nombril, c'est très mignon. Non, vraiment, je peux pas. Eh ben si, tu vas pouvoir comme nous tous. Je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi ? Parce que j'aime pas les piercings, j'aime pas ça. Ah oui, c'est un bon argument. On me l'avait fait à l'oreille quand j'étais au collège déjà et j'étais en flip, limite j'avais pleuré. Ouais. Et au nombril, je peux pas. Et en plus, au nombril, enfin, je suis désolé. Amir, tu vas te faire percer tout à l'heure. C'est le but de la soirée. On ne va pas décevoir les auditeurs, je suis désolée. Et surtout, c'est pour toi, c'est pour surmonter tes phobies. Exactement. Eh bien, on verra. Bonsoir Thibaut à l'area. Coucou les filles. Ça va toi Bichon? J'ai un peu peur là, je sens que ça va pas être cool ce soir en fait. Alors Thibaut, c'est le romantique de la bande, celui qui a pas mal de peur aussi, et il a fallu en choisir. Dis-nous, quelle est ta pire phobie? Je suis terrorisé par les poules depuis que je suis tout petit. Voilà. C'est bon. Pas drôle. Hein. Il est terrorisé par les poules, donc je vous laisse imaginer ce qu'il va devoir faire tout à l'heure. Non, mais, surtout, j'ai vu que des auditeurs nous le disent sur Twitter, qui ont vu sur le live de Love in Fun, oui, qu'effectivement, nous avons des poules qui ne sont pas très loin. Donc tu te doutes bien que ça va pas être ça. Surtout dans un poulailler, ouais. Où elles ont fait caca partout. Ouais, c'est ça. Je dis que ça. Ça va bien se passer, Bichon. Non, t'inquiète mais vous, pas. Vous voyez ça comme des poules, moi je vois ça comme des vélociraptors, ces petits dinosaures, je vous jure. Je sais, mon ange, mais c'est comme ça, c'est ouais, la soirée, il faut le faire. Bonsoir Enzo du Standard. Bonsoir tout le monde. Ça va toi? Moi je suis hyper content de faire cette émission. Ouais, je me doute. Ouais, quelle est ta phobie toi? Moi j'ai horreur des insectes, mais un truc de ouf. Tout ce qui est blat, tout ça, je déteste. Moi j'avoue que je suis pas à l'aise non plus. Hein. Et bah moi non plus. Et alors ce qui est cool avec Enzo, c'est qu'on n'a pas pris une race d'insectes. Non, non, on en a pris 10. Voilà. Tout ce qui est possible de, sur cette planète en fait. Et ce qui est cool, c'est que c'est des insectes qui étaient destinés à être mangés donc par des animaux, tout ça. Et donc on va les sauver. Je vais pas les manger. Non! Non, il y a des insectes qui sont pas destinés à être bouffés. Bah j'en sais rien, mais en tout cas là ils allaient vers une fin certaine quoi. Eux ils sont en animalerie, donc nous on les a sauvés. On est très contents parce qu'avec Marion on est pro animaux. On va les relâcher. Et on va les relâcher je ne sais pas où, mais traînez pas trop à côté du bois de Boulogne. Voilà. Épique. On sait pas, tu verras tout à l'heure. On va faire un coucou à Yannick du Standard aussi. Ça va Bichon? Ouais, ça va, nickel. Quelle est ta phobie toi? Ah, moi c'est le classique, c'est les serpents. Voilà, bon bah pareil hein. Je te laisse imaginer ce qui t'attend. Je sais. On n'est pas bien, on n'est pas bien. Jamais Yannick, ça va nickel, le gars a une angine carabinée, tu sais. Déjà, il a la température, mais en plus, il va devoir affronter les serpents, le pauvre. Ouais. Et le cumul. Dur. Bon, ce soir, on va démarrer l'émission avec vous. Vous avez tous joué au grand concours FIFA qu'on avait lancé sur Twitter. Oui. Avec Allo Paradise, vous gagnez FIFA 17 et on va appeler le gagnant qui a été tiré au sort. Ouais, il fallait retweeter le visuel et suivre le compte Allo Paradise. Allo? Allo? Bonsoir. Eman? Oui, je suis là. Ah, Eman, sympa ça. Ouais, Eman, c'est joli. Merci. Joli prénom. Eman, t'as quel âge? 14 ans. Bon, ça va, tu sais qui te parle ou pas? Je crois que c'est Fun Radio. Ouais, et qui en particulier? Marion. Exactement, mais qu'il est fort. Mon pote, t'as joué pour gagner FIFA 17? Oui, oui, exactement. Et bah, c'est gagné! Oh oui! Ouais, je suis trop content là. Bravo, pote. Ah là là, j'y crois pas. Eman, pendant qu'on te tient, est-ce que t'as une phobie toi? Ouais, j'aime pas trop les insectes, tout ça. C'est vrai que ça me dégoûte un peu. Bon, et bah reste là, puisque dans un instant, Enzo va affronter sa phobie des insectes et on sera en Facebook Live, ok? Ah, ça sera drôle, ça va être cool. On t'embrasse, Eman, et on t'envoie ton jeu, Bichon. Bisous. Merci beaucoup. Bravo. Ciao, ciao. Et puis alors, du coup, comme on fait en fait une espèce d'énorme thérapie tous ensemble, oui, venez nous parler de vos phobies, vous aussi. Appelez-nous 01 42 48 5000. Ça marche aussi avec le hashtag Le Night Show. Et on aura Anne dans un instant qui a une phobie d'un animal. C'est pas du tout ce que vous croyez, c'est complètement insolite. Bougez pas, c'est juste après Mike Perry sur Fun. You can be my guiding light. Keep me company. That's all I need, all I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border, like the air I breathe, I let you in. Keep me warm underneath my skin, 'cause I'm giving in to your touch. I can never get enough, diving deep into your ocean. 13, c'est Marion et Anso, le Night Show, en mode spécial phobie ce soir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les membres de l'équipe vont devoir affronter leur pire angoisse, là, ouais, tout au long de la soirée. On va être en Facebook Live dans un instant, c'est Enzo qui va s'y coller. Mais avant ça, je vais vous parler des phobies des stars. Tout au long de la soirée, je vais vous les donner. On va commencer par Louane. Ah, c'est oui, hyper connu, est-ce que vous savez ou pas? Il me semble que c'est un fruit, un truc comme ça, non? C'est ça, la chanteuse est terrorisée à la simple vision d'une banane. Ah, elle oui, est incapable d'en manger et même de les toucher. Et c'est abusé, je l'avais vu une fois, je crois que c'était chez TPMP. Ils lui ont apporté une banane, elle est partie en crise de panique. Mais est-ce que c'est genre toutes les bananes, genre les bananes vertes aussi? Bah oui, j'imagine, toutes. Les bananes flambées? Oui, c'est pareil, Anso. Et les bananes Lacoste? Mais ferme-la. Franchement, tu la prépares depuis combien de temps celle-là? Depuis 1000 ans. Je vais t'en mettre une. Tu savais comme je suis fière de moi. Ouais, je me doutais. Bon, je vous en parlais il y a un instant. Anne de Rouen nous a appelé parce qu'elle a la phobie d'un animal. Alors je sais même pas si on peut dire que c'est un animal. C'est pas du tout ce que vous croyez, mais moi ça m'a fait marrer. Bonsoir Anne. Salut les filles, salut l'équipe. Ça va Bichette? Ça va. Alors, est-ce qu'on peut deviner, parce que Anne so sait mais moi je ne sais pas, est-ce que c'est un gros animal ou pas? Non, c'est petit. Un insecte? Non, un petit peu plus gros. On peut dire que c'est un peu un insecte des mers. Ah, un crustacé. Ouais, voilà, on va ça, dire ça. Ouais, ah, c'est un crustacé, les homards? Non. Les crevettes? Oui, c'est un crustacé, mais c'est... Ouais, les crevettes. Mais non. C'est fou, ça. Pourquoi t'as peur des crevettes? En fait, qu'elles soient mortes ou vivantes, c'est une catastrophe. Je pars en courant. Mais attends, c'est... Mais... c'est hyper bon, une crevette, en plus. Non, mais tu peux m'en faire manger, mais ok, je vais les vomir. Il faut pas que je les voie. Ah, c'est-à-dire qu'en gros, si on te les sert décortiquer, tu peux les manger? Mais faut pas que je les voie. Faut même pas que je sache qu'elles existent. Ah ouais, tu vois ce que je veux dire? Camouflées, quoi. C'est un peu voilà, sur les donner à bouffer en te bandant les yeux, non? Non, mais par exemple, dans un cake, tu vois, un cake à la crevette ou une rillette de crevette. Je vais les manger, je vais dire c'est super bon, mais si je sais que c'est une crevette, c'est mort. D'accord, bah c'est marrant ça. La crevette. Et du coup, t'as déjà vomi? Avec ouais, j'ai déjà vomi, ou par exemple, quand tu vas faire les courses et que tu sais, t'achètes tes crevettes même en sachet, là, les toutes petites, ben, tu me fais pas toucher le sac, en fait, je suis obligée de rester loin du caddie et je peux pas ni toucher le sac, ni prendre, hein. c'est pas possible. Crevette au fil. Bon, et ben, merci de nous avoir appelé, Anne, merci d'avoir partagé ça avec nous, on t'embrasse très fort. Salut les filles, bonne bisous, soirée. Bisous, et continuez à nous appeler 01 42 48 5000. Vous avez vu, on ne se moque pas, on partage sur Fun. Let the beat. Fun Radio est la seule radio à vous envoyer à Las Vegas faire la fête avec DJ Snake. Salut, c'est DJ Snake. Fun Radio, c'est ma radio. Dès que vous entendez le double fun. Double fun. Avec deux tubes de DJ Snake à la suite. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez direction Las Vegas pour voir DJ Snake en live. Comment ça va ? Fun Radio. C'est le double fun sur Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes, du niveau brevet à Bac plus 5, dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toute-une-armée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Ce soir, les membres du Night Show... It's the Night Show! Affrontent leur phobie. Sur Fun Radio. Suivez les lives Facebook sur la page Marion et Anso. Oh oui, effectivement, nous affrontons nos pires phobies ce soir. Et pas que, on vous offre aussi des cadeaux, puisqu'on a lancé un grand concours sur Facebook. Allez voir sur la page Marion et Anso. On vous offre ce soir une PS4 avec le jeu Lego Dimension. C'est juste énorme, ça vaut un paquet de fric. Donc allez-y, il suffit juste de retweeter, ou plutôt de liker, parce qu'on est sur Facebook, et de partager le visuel. Et à la fin de l'émission, on vous tire au sort et puis on vous offre ça. Vous pouvez pas vous tromper, c'est une photo de nous deux. Et on est, c'est vrai qu'on n'est pas dégueulasse sur cette photo. Franchement, c'est cool, ça fait un beau cadeau ça. Donc allez-y, là, allez liker, allez partager. D'ici allez, deux petites heures, on vous offre ça. Noël approche à grands pas. Voilà. On a Régis de Nancy qui nous a appelé pour parler phobie, émission spéciale phobie dans le Night Show ce soir. Bonsoir Régis. Salut tout le monde, c'est Marion Simenso. Ça va Régis? Ça va très bien et vous? Alors Bichon, qu'est-ce qui se passe? On a peur de quoi? Bah, moi j'ai peur des vélos. Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais. Mais j'ai la cyclophobie depuis que je suis tout petit. Ah, ça s'appelle comme ça, la cyclophobie. La cyclophobie ou la vélocyphobie, ouais. Bah après, quand on découpe, il y a une certaine forme de logique. Mais du coup, t'as eu un accident de vélo pour avoir peur, Régis? Bah, ouais, mais ma mère, elle m'a dit que j'avais, quand j'étais tout petit, que j'étais tombé d'un vélo. Ouais. Alors, en plus, un vélo à petit trou, donc j'étais tombé. Donc, et puis, depuis, j'ai plus jamais voulu remonter sur un vélo. Et le pire, c'est que du coup, moi, j'ai peur de enfin, j'ai peur des vélos, même des vélos qui me croisent, parce que j'ai peur qu'ils me rentrent dedans, quoi. Et le gars, il regarde le Tour de France, il est pas bien. Ah, moi, je suis pas bien. Mais je veux dire, j'étais, pour dire une anecdote, j'étais dans un parc, on peut dire le nom ou pas? Oui, bien sûr. J'étais à Center Park, mais moi, je suis devenu complètement dingue. Il y a des vélos partout. Ah, bah oui, c'est le principe un peu de Center Park. Mais il y a des vélos partout. À Paris, mon pote, il y a des Vélib, il y a des pistes cyclables à tous les coins de rue. Et comment tu te situes toi, t'habites à Nancy, mais il doit y avoir les mêmes trucs qu'à Paris, genre les Vélib où t'as des vélos en libre-service. Ouais, non, mais moi j'habite en banlieue, c'est-à-dire en banlieue de Nancy, dans la périphérie de Nancy. Parce que à Nancy, c'est vrai que t'as des pistes cyclables de partout. Mmh. Et franchement, moi quand je vois un vélo, même quand je suis en voiture, c'est une vraie peur. Hein. C'est-à-dire que j'ai peur des vélos, de monter sur un vélo. Mais aussi quand il y a un vélo, je me suis dit, putain, je risque de l'écraser, je risque de faire un faux mouvement en voiture. Et donc du coup, moi j'essaie d'éviter au plus possible un vélo. Dès qu'il y a des vélos. Pour toi, le Tour de France, c'est une horreur. Bah oui, je vais faire il y a deux secondes, mec. Voilà. Ah, mais j'étais pas dans le studio. En tout cas, Amir, il suit. Et du coup, c'est quoi ta phobie? T'es con. Bon, ça va, t'arrives à surmonter ça au quotidien? Bah, ça va, j'ai une voiture. Bon. Ah bah voilà. Eh bien, écoute, toi, tu t'as réussi à contourner, il est là, mon Régis, t'es fort. Voilà, moi je suis fort. Par contre, une fois, ma femme m'a demandé, viens, on va faire du tandem. Alors, laisse tomber. Justement. Eh, Bichon, tout à l'heure, là, on va avoir un psy au téléphone. On va lui poser toutes ces questions et on va lui demander comment surmonter les phobies. Donc écoute, ça peut te servir. Mais je ne fais que ça, vous écoutez. Je suis très, très, très heureux et fier de vous avoir. Oh, t'es trop mignon. Oui, sympa. On t'embrasse, mon Régis, et puis on t'offre un vélo, du coup. Ah bah, ça me fait pas plaisir. Bisous, Régis. Bisous. Bisous. À bientôt. Bon, les amis, il est 22h20. Il va être temps pour un membre de cette équipe d'affronter sa première phobie. Ouais. Ce membre s'appelle Enzo. Enzo Bichon, tu nous l'as dit, tu es terrorisé par les insectes. C'est vrai ou pas? Ouais, tellement. Ça me stresse de ouf, là. Toutes sortes d'insectes, on est d'accord. Je vous cache pas que je suis pas hyper à l'aise non plus. Hein. Moi, j'aime pas ça, les insectes. Hein. Moi non plus. Non. Je suis vraiment pas bien. Tu sais ce qu'on va faire? On va t'amener un vase rempli d'insectes de toutes sortes. Mais non. Et il va falloir que tu mettes tes mains dedans pendant un nombre de secondes déterminé. Branchez-vous, on se met en Facebook Live là sur la page Facebook Marion et Anso, ça grouille de partout. Alors, je vous explique, dans le vase, il y a évidemment des vers, il y a des blattes, il y a mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est terrorisant. Mais c'est quoi ça? Ils sont en train de se bouffer entre eux, non? Non, non, ça va. Non, non, ça saute en plus là. Non, ça saute, mais alors, je vous rassure, c'est que des espèces qui sont compatibles. On nous a dit qu'il n'y avait pas de soucis, normalement, elles ne devraient pas se manger entre elles. On leur a mis un petit peu de nourriture, hein, dans le fond. Ouais, c'est peut-être pour ça. Et je vous rappelle que ce sont des insectes qui étaient destinés à la mort, qui étaient destinés à être mangés. Donc nous, on va les sauver après, on va aller les lâcher dans la nature. En revanche, vous faites attention, je ne veux pas un seul insecte dans ce studio, je peux péter un plomb. Alors. Mais si ça saute, les tue pas. Non, non, non. Pour l'instant, il y a une raquette de ping-pong au-dessus du vase pour pas que ça saute. Enzo, on va l'enlever, on va compter, on va faire un décompte de 20 à 0. Tu dois mettre ta main dedans, tout au fond, ne pas l'enlever. Branchez-vous sur la page Marion et Enzo pour voir Enzo en action. J'ai une technique pour toi. C'est quoi? Il faut que tu mettes ta main là contre le vase et t'ailles chercher le fond. Non, non, non. Si, je te jure. Allez, on y va. Enzo, tu y vas et après on compte. Oh mon Dieu, c'est ça. Mais je fais quoi alors? Eh ben tu la mets et tu bouches avec ça. Mais ça va sauter de toute façon. Allez, c'est pas grave, vas-y. Ok. Mais qu'est-ce qui est repris? Allez, allez, 3, 2, 1, vas-y. C'est parti. Vas-y. Il y arrive. Ça saute partout. Il y arrive pas. La main dans le fond. Il y arrive pas. La main dans le fond, Bichon, tu y vas maintenant. Ah non, ça va piquer. Les gens écoutent. Putain, ok. Allez, allez. Allez. Ah ouais. Il y arrive pas du tout. Je me dégoûte. Allez. 10 secondes, Enzo. Ok. Reste ta main dedans. 10. Non, dedans. 10. 9. 8. Attends, le problème, c'est que les sauterelles, elles sont dans le studio. Partout. 9. Attendez. 8. 7. Okay. La main dedans. 6. 5. 4. Ça lui grimpe dessus. C'est terminé. Ça y est. Il aimait partout dans le studio, les gars, c'est un enfer. Il a partout. Oh mon Dieu. En vrai, le truc, c'est que moi, j'étais totalement flippée. J'étais cachée derrière Marion. C'est un enfer. Remettez quelque chose dessus, les gars, ça saute. Non mais c'est terrible, il y a des sauterelles, des blattes, des vers et une autre espèce, je sais pas ce que c'est. Franchement mais ça grouille, c'est un enfer. Mais surtout elles sont speed à fond quoi, qu'est-ce qu'elles ont ces bêtes. Bah elles ont envie de sortir, je pense on va aller les libérer là tout de suite parce que ça me fait de la peine quand même. Ça a été Enzo, ton impression par rapport à cette phobie? Là je suis en sueur, j'ai le cœur qui bat à 3000 à l'heure, c'est horrible. Je t'ai jamais entendu crier autant mec. Oui mais Bichon, sache que maintenant tu es prêt pour Fort Boyard. Et je suis prêt. Voilà, et comme ils vont pas t'appeler, ça tombe bien. Okay. J'adore, bravo Enzo, on peut l'applaudir. Merci. Bravo. Il l'a fait, hein. C'est le premier à l'avoir fait, franchement il est fort. Bon, restez avec nous puisque dans un instant sur Fun Radio, eh bien quelqu'un d'autre, un autre membre de l'équipe va affronter sa propre phobie. Oui. Et puis on va faire un jeu aussi. Ouais, on va vous parler des noms de phobies les plus what the fuck du monde. On a trouvé du lourd. Appelez-nous 01 42 48 5000, on fait de la radio ensemble, on parle phobie, on se retrouve après The Weeknd et Daft Punk. I'm trying to put you in the worst mood, P1 cleaner than your church shoes, really point to just to hurt you, all red lamp just to tease you, none of these toys on lease to, made your whole year in a week to, main bitch out of your league to, side bitch out of your league to, house so empty need a centerpiece, 20 racks a table come from ebony, cut that ivory into skinny pieces, then she clean up with her face, but I love my baby, you talking money need if I kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me. Every day a nigga try to end me. Pull up in that roadster. King, that's a far cry. I come alive in the fall time. The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon, song bumping new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch on my side, I like to get any lane. Switch on my core if I kill any pain. C'est Marion et Anso en mode spécial phobie ce soir. Et allez voir, je vous en supplie, le live sur Facebook où Enzo doit affronter sa phobie des insectes. Je ne l'ai jamais vu paniquer comme ça. Moi non plus. Mais en plus, moi j'ai vraiment eu peur avec lui. Ça m'a vraiment fait flipper quoi. Alors on s'excuse si on crie un peu ce soir, si vous êtes sur la route, tout ça. Faites attention. Il n'y a pas de souci, on va vous prévenir à chaque fois. Mais effectivement, on ne peut pas trop contrôler nos émotions ce soir. Ouais. Bah, c'est un peu ça, ouais. C'est difficile. Dans un instant, un autre membre de cette équipe va devoir affronter sa pire phobie. Mais avant. Je te dis pas. Mais avant, j'ai un petit quiz pour vous tous, c'est sur les noms de phobies what the fuck. Je vais vous citer des phobies improbables et vous allez essayer de deviner de quoi il s'agit, j'ai des propositions à chaque fois. Oh écoute, on apprend en s'amusant. Alors, elle est compliquée à dire, l'hippopopo, tomonstrosé, kipédia, lyophobie. À votre avis, est-ce que c'est la peur de tomber malade après avoir mangé chez Hippopotamus ou la peur des mots trop longs? Bah la peur des mots trop longs. Oui, c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, cette phobie est imprononçable. Oui, c'est probable. Vraie phobie. La papétolétophobie. À votre avis, est-ce que c'est la peur du papier toilette ou la peur de ne plus avoir de quoi s'essuyer? De plus avoir de quoi s'essuyer. Ouais. Et non, c'est l'inverse. La peur du papier toilette. Alors, je ne sais pas comment font ces gens pour s'essuyer. Mais surtout, c'est quand même drôlement pratique, on va pas se mentir. Ben ouais. Du coup, je sais pas. Je sais pas comment ça se manifeste chez eux s'ils s'essuient jamais. Mais surtout, oui, c'est ça. Ils font ça avec quoi? Des feuilles? Non, mais ils doivent avoir des bouteilles d'eau sur eux. Ils se lavent avec de l'eau. Mais c'est pratique en plus de s'essuyer avec de l'eau. Truc horrible. Mais non, mais ce qu'Amir veut dire, c'est genre avec un bidet, quoi. Ah ouais, enfin, ils se lavent comme ça. Il y a plein de gens qui le font. L'anuptaphobie, à votre avis, est-ce que c'est la peur de rester seule toute sa vie ou la peur qu'on touche à son anus? La peur qu'on touche à son anus. Anuptaphobie. Eh ben non, vous êtes tombé dans le piège, c'est la peur de rester seule toute sa vie. Ah bah je suis peut-être anuptaphobe. C'est mignon, hein. La thalassophobie, est-ce que c'est la peur de la mer ou la peur de Georges Pernoud, l'animateur de Thalassa? T'imagines ou pas? Non, c'est la peur de la mer. Ouais, hyper courant comme phobie ça. Mais cela dit, les fonds marins, ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même assez flippant. La thalassophobie, mais du coup ça vient de là le Thalassa? Non, je crois pas. Hein. Bah si, il doit forcément y avoir un lien avec la mer quoi. Enfin... Ah bah oui, la mer c'est sûr. D'accord. Hexacosio IXE conta hexaphobie. Est-ce c'est que chiant. C'est la peur du diable ou la peur de lire en public? Moi, je dirais le diable. Oui, exact. Parce qu'il y a hexa dedans. Hexa 66. Peur du diable, tout à fait. La cacophobie. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est la peur du caca ou la peur de dire à une personne qu'il est moche? Moche. Ah bah non. Personne n'a peur de dire à quelqu'un qu'il est moche. Tu le dis pas. T'es déjà parti voir quelqu'un et lui dire t'es moche? Bah non, tu le dis pas. C'est la peur du caca. Tu l'as déjà pensé? Bah oui. Alors, je vais trancher. C'est la peur de dire à une personne qu'il est moche. Bim. Ah bon? La cacophobie. C'est énorme, non? Mais faut pas avoir peur de ça. Faut juste pas le garder pour soi. Faut pas le dire. Je sais pas, c'est une phobie. La jokerphobie. Est-ce que c'est la peur de ne plus avoir de joker à qui veut gagner des millions ou la peur des jokers, comme les clowns? Bah la peur des jokers. Exactement. Ouais. Alectorophobie. La peur des taureaux ou la peur des poulets? La peur des poulets. Oui, c'est un peu la phobie de Thibaut Alaria. Ouais. Alectorophobie. La paraskevi décatrayaphobie. Est-ce que c'est la peur de ne pas aller au paradis ou la peur du vendredi 13? Ah, ça peut être la peur du vendredi 13. Exactement. Ouais. Elles sont imprononçables, ces phobies. Mais moi, j'y crains un peu en plus au vendredi 13. Et il n'y a pas plein de... Ouais, je sais pas. Ouais. L'omphalophobie. Est-ce que c'est la peur des nombrils ou est-ce que c'est la peur des objets de forme ovale? Non. Non. Ok. On m'appelle Kuntan, je fais de la boxe. Il y a un clown qui vient juste de rentrer dans le studio. C'est donc, je crois, la phobie d'Anso qui est terrorisée. Anso, ça va, Babber? Il est horrible, ce clown. Branchez-vous sur le Facebook de l'émission Marion et Anso. Salut, toi. Bonjour, monsieur le clown. C'est chaud, là. Tu t'appelles comment? Non, mais attends, parce que moi aussi j'ai peur. On tu t'appelles comment? Kuntan, ma clown. Clown Tai. On m'appelle Kuntan, ma gueule. Mon Dieu, il apporte, il fait n'importe quoi, il est angoissant le gars. Il lui a enlevé son casque. Ça va, Babber? Non, ça va pas. Elle Allez est loin. Sur la page ça va Facebook pas. De l'émission, il y a le live en ce moment. Babber, parle. Regarde-le, c'est ton clown, c'est ta phobie. Il faut que tu l'affrontes, Babber. Il faut que tu le regardes. En fait, ça me dérange pas qu'il soit là, mais je veux pas qu'il me touche. C'est un vrai clown. Il y a aucun souci. Si tu veux, on discute dos à dos. Je vais pas chier. Et on monsieur prend un clown, café après. Monsieur le clown. On prend un café après. On prend un café après. On prend un café après. Il a le café. Le café. Le café. Excusez-moi, il lui fait un lap dance maintenant. Non, mais attendez, monsieur le clown, j'ai une question. Parce que vous êtes venu. Non, c'est pas too much. On se fait une corée. Détends-toi. Monsieur le clown, vous êtes venu avec une hache. Qu'est-ce que vous comptez en faire? Parce que ça m'angoisse. Mais garde la lâche. Qu'est-ce que vous allez en faire? C'est toi que je vais garder. Arrête, c'est toi que je vais garder. Il apporte. Laissez-moi. Ouais. Arrête. Tu vas voir. Arrête. Ok. Les gars. Il a porté Anso. Il est parti dans le couloir. Le clown est parti avec Anso. Mais c'est un truc de malade. Oh. Et je vous jure, c'est pas des blagues. Hein. Anso a vraiment très peur des clowns. Elle est pas bien avec ça. Elle est terrorisée, la pauvre. Je la vois dans le couloir. T'es dispo dans la semaine? On va boire un café. Eh les gars, nous on continue l'émission. Vous faites votre vie. Hein. Vas-y Marion, vas-y. Ouais, le clown il va s'occuper d'elle tranquille. Je continue mon quiz. C'est énorme. L'anémophobie. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Est-ce que c'est la peur des anémones ou est-ce que c'est la peur du vent? La peur du vent. Oui, c'est bien. J'entends le clown, ça m'angoisse de mille. C'est génial. C'est la peur du vent, je savais pas que ça existait. Et la géniophobie, est-ce que c'est la peur des gens trop gentils ou la peur des mentons de Bogdanov? Les gens trop gentils, Bogdanov c'est impossible. Eh ben non, j'ai un peu exagéré, mais c'est la peur des mentons en vrai. La géniophobie, il y a des gens qui ont peur des mentons. Donc comme tout le monde a un menton, je me demande comment c'est possible. Mais est-ce que c'est pas genre les grands mentons? Un Thibaut, il a pas un grand menton. Personne dans l'équipe du menton. Ah, si. Enzo, il a un putain de menton. Ah ouais. On est d'accord. Ah, c'est une piste son truc. Ouais. Eh les gars, Enzo est toujours avec le clown. Je vais quand même aller voir ce qui se passe parce que ça m'inquiète pour elle. On vous filme tout. On est en Facebook Live sur la page Marion et Enzo. Bougez pas, on va revenir dans un instant. Là, on aura vous tous au téléphone 01 42 48 5000. Si vous avez des phobies, appelez-nous, on partage. On aura un psy tout à l'heure aussi pour nous expliquer l'origine des phobies, tout ça. Et puis bah tous les membres de cette équipe vont y passer. Il reste Amir, il reste Thibaut, il reste Yannick et il reste moi. Tout ça, ce sera juste après Feder et Alex Ayono sur Fun. Bougez pas, on vient. And once we run the show, everyone will know then we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. I tell them, don't go. We love, that's my place. There's nothing to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. In my heart, a rain of light that lights up the dark. When I step to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest. C'est Marion et Anso en mode spécial phobie. Et ça y est, j'ai récupéré Anso, libéré du clown fou. Waouh! Ça va, bichette? Non, mais franchement, j'ai eu vachement de mal à regarder son visage. Je sais pas qui s'y cache derrière, mais il est super bon. Alors, je vais le féliciter, c'est un comédien à moi que j'adore, qui joue avec moi sur mes vidéos YouTube, Marion Fascam. Mais franchement, il a joué le jeu à mort, ouais. Et il était flippant. Allez mater là sur la page Facebook le visage du clown et mais ses expressions. Ouais. Il a essayé de m'offrir un verre d'eau, genre le verre d'eau de l'amitié, réconciliation. Je crois que ça marche pas. Hein. Oh, bah, je ça, dis, ça va. Marche pas. Au moins, t'as affronté ta phobie. Ouais, enfin, vous m'avez quand même surpris dans la phobie, hein, on va pas se mentir. Il peut revenir à tout moment, tu le sais. Ouais, hein. D'accord. Ouais, c'est le but de la soirée. Ouais, d'accord. Continuez à nous appeler 01 42 48 5000. On parle des phobies là et je vais vous faire une petite phobie de star. Vas-y. Qui vous voulez? Vous choisissez entre Katy Perry, Rihanna ou Pamela Anderson? Pamela Anderson, tiens. Alors, Pamela Anderson, c'est marrant. Est-ce que vous avez une idée? Non, vous savez pas? Est-ce qu'elle a peur de genre un truc en rapport avec la mer, vu qu'elle a joué dans l'alerte à Malibu? Je sais pas. Bah, rien à voir. Non, justement. Moi, je la vois bien avoir peur des insectes, ce genre de choses. Pas du tout. Elle a la phobie des miroirs. C'était dur à trouver en même temps. Elle a déclaré ça en 2013. Elle ne peut pas regarder un miroir. C'est un truc de malade. Mais peut-être parce qu'elle s'est trop fait refaire la gueule aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est peut-être son propre reflet qui maintenant le fait flipper, tu vois. Mais c'est son reflet à elle qui l'a fait flipper ou c'est le miroir tout court? Non, c'est le miroir en général. Mais pourquoi? C'est chelou d'avoir. Mais tu sais, ça s'explique difficilement les phobies. On en parlera avec la psychologue tout à l'heure, mais c'est compliqué. Tu sais pas d'où ça vient. La personne qui avait la phobie des crevettes tout à l'heure, qu'on embrasse, Anna, bon. Pourquoi? Ouais. Écoute Pamela, vu que tu nous écoutes chaque soir, appelle-nous pour parler de la phobie des miroirs, si tu veux que je te dise. Eh ben voilà. En tout cas, on a Pierre-Jean, lui, qui nous a appelé, qui n'est pas Pamela Anderson. Ah. Bonsoir Pierre-Jean. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Salut. Comment ça va? Bah ça va bien et vous? Bah très bien, alors raconte-nous, est-ce que tu as une phobie toi? Ouais, moi c'est une phobie un peu bizarre. Donc c'est sûr, quand j'en parle, on me dit ouais, tu devrais pas avoir peur. Moi j'ai peur des escalators, en fait. Ah. Des escalators, mais pourquoi? Bah en fait, il me faut 1000 ans en fait, pour surtout pour descendre les escalators. Pour monter, ça va un peu mieux, mais pour descendre, non. Et ça dépend de l'escalator aussi. Est-ce que tu as l'escalator qui fait escalier? Ou là, effectivement, ouais. Lui, il est un peu dangereux parce qu'il y a une petite feinte. Il faut bien prendre la marche. Et puis t'as les escalators tapis. T'as même peur des escalators tapis? Oui. Non, le tapis, non. Non, moi, c'est plus les escaliers, ouais, vraiment. Ah, c'est vraiment ça. Les escaliers, ouais. Bon, après, je peux à moitié comprendre. J'avais vu une vidéo d'une fille, je crois que c'était en Chine. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a une histoire en Chine, ouais. C'est la mère qui s'est fait broyer par l'escalator en arrivant, ouais. Elle s'est fait broyer. Elle avait son enfant dans les bras et du coup, elle a jeté son enfant pour le sauver. Ouais, je sais, elle est horrible cette vidéo, mais en même temps, ça arrive jamais, quoi. C'est vraiment des trucs complètement exceptionnels. Ouais. Mais ça du fait coup, quand même peur quand tu regardes ça, quoi. C'est vrai que c'est glauque. Ouais, je comprends, mais c'est quand même assez handicapant d'avoir peur des escalators parce qu'il y en a partout, quoi. Oui, mais bon, à la limite, t'as toujours des escaliers à côté. Non. Ouais. Si. Par exemple, dans le Auchan où je vais, je suis obligé de passer par l'escalator. Et ouais, t'as peur de ça, toi? Bah non, pas spécialement, mais bah du coup, je pense à Pierre-Jean, bah il serait en galère là. Ah, c'est vrai. Ouais. Bah, il doit choisir ses magasins aussi. Maintenant, quand tu connais ta phobie. Et c'est un escalator plat ou un escalator? Ah voilà, il est plat. Ouais, il est plat. Donc Pierre-Jean peut y aller, y a pas de souci. Ouais. Bon bah tu peux aller là-bas. Hein. Bon, faire Pierre-Jean. Les coups. Alors. Merci mon Pierre-Jean, mon pas de soucis, merci à vous de nous avoir appelé. T'es mignon. Merci à vous et puis bonne soirée. On t'embrasse. Bisous Pierre-Jean. Bisous. Continue avec hashtag le night show aussi. On vous lit sur les réseaux sociaux. Amir, je crois qu'on a de la réaction. Vous êtes hyper nombreux à avoir des phobies. C'est un truc de malade et je vois des phobies improbables. Ouais, moi aussi, c'est pareil. C'est un truc de ouf. J'ai vu du yaourt passer. Je comprends pas. Mais je suis assez contente parce qu'il y a beaucoup de gens. Il y a Fanny qui dit qu'elle a peur des clowns. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des clowns. Je me sens moins seule. Alors dis-nous, Amir, il y a quoi? Alors il y a Hello Minuit qui dit: moi j'aimerais avoir un conseil parce que j'ai la phobie justement des yaourts. Mais c'est énorme ça, les yaourts, mais pourquoi? Je sais pas, c'est très bizarre. Ouais. Ensuite, il y a Océane des Murs. Moi, c'est très bizarre, c'est les aisselles, je peux avoir les miennes, mais celles des autres, je ne peux pas les voir. D'accord. Ouais, ça, c'est peut-être un peu plus du dégoût. Ouais. Ouais, peut-être, hein, je sais pas. Nina La Pasta, moi, c'est les coccinelles. Ça ah me bon fait vraiment flipper. Mais c'est hyper mignon, une coccinelle en plus. Oh, j'adore, moi, les coccinelles. Ça, c'est vraiment gentil, chat. Scaria, l'avion, ça me fait flipper. Ah, ça, il y en a beaucoup, l'avion. Et j'ai vu tout à l'heure aussi sur le Facebook les réacteurs d'avion. C'est vachement précis. Bah, en même temps, c'est ce qui crée le bruit, donc c'est ce qui te fait le plus peur, quoi. Et bah, moi, les réacteurs, ça me fait flipper. Et en fait, c'est les hélices à l'intérieur qui me font flipper. Et quand t'as des réacteurs géants, bon, j'en vois pas tous les jours, hein, certes, mais dans les films et tout, bah, ça, ça me fait vraiment peur. Même dans les films. J'avais besoin d'en parler ce soir. Sinon, il y a la peur des serpents. Ouais. Théo qui a la peur des canards. Ouais. Maïlis qui a la peur des araignées aussi. Ouais, bah les insectes de toute façon c'est hyper courant. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'un insecte c'est fourbe. T'as l'impression qu'il n'y a pas de sentiment chez un insecte, tu vois? Ouais, mais en fait moi je crois que c'est le côté ça grouille, effectivement ça peut te surprendre, tu le vois pas, tu peux l'avoir sur toi, alors qu'une grosse bête tu la maîtrises, tu vois? Une grosse bête? Ouais, enfin je te verrais bien maîtriser un lion, tu sais. Pourquoi pas? Je suis pas contre. Bon, restez avec nous, on parle de phobie avec vous ce soir. 01 42 48 5000, hashtag le night show. Alors, je compte, Enzo a surmonté sa phobie. Oui. J'ai surmonté la mienne. Voilà. Il reste donc Amir, Thibaut Alaria, oui. Marion et Yannick du Standard aussi. Oui. Donc, il reste encore 4 moments assez énormes, sachant qu'Amir va se faire percer le nombril puisqu'il a la phobie des aiguilles. Donc, restez là, ça sert à rien de partir. C'est pas ça. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW Feder Calvin Harris Félix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. Fun Radio et Soirée Fériau présentent la nouvelle édition de l'Halloween Festival. It's Halloween. En direct de l'île de loisirs de Jablinanais. Un nouveau site exceptionnel situé aux portes de Paris. Lundi 31 octobre, venez vivre le plus grand Halloween de France avec les DJ Fun Radio Florian Picasso et Maëva Carter. L'Halloween Festival 2016 de Soirée Fériau. Avec Florian Picasso et Maëva Carter. En direct de l'île de loisirs de Jablinanais. Aux portes de Paris. C'est avec Fun Radio. Le son dancefloor. Infos et réservations sur halloweenfestival.fr et funradio.fr. Salut, c'est DJ Snake sur Fun Radio. Le son dance floor. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not much love when we go OT. I pray I make it back in one piece. I pray, I pray. And that's why I need one dance. Got an NC in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need one dance. Got an NC in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold of me. Baby, I like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. Como tú te amas, yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Como tú te amas yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que no necesita. Mirando una chica tan bonita, pregunta por qué anda tan solita. Ven dale ahí, ahí, moviendo todo eso pa' mí. No importaría un man ni el país, ya vámonos de aquí. Que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura que oui, oui. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbiando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. Time for I go. Higher powers taking a hold. I need one day. Quedarme contigo hasta el amanecer. Marion a peur du lait. Anso est terrorisé par les clones. Amir, lui, ne supporte pas la vue d'une aiguille. Eh ben, elle sent bon le ridicule cette soirée, non? Le Night Show. Night Show. De 22h à minuit sur Fun Radio. Gigantesque thérapie dans le Night Show. Hein. On partage les phobies et on en parle tous ensemble, histoire d'expier un peu comme ça, ça fait du bien. C'est ça. Et il y a Mélanie64800 sur Twitter qui dit: moi, c'est surtout la phobie des échasses depuis toute petite parce qu'ils voulaient me voler ma sucette. Donc ça ne veut rien dire, hein, Mélanie. Ah. Attention, la drogue, c'est mal, Mélanie. Je crois que j'ai compris, parce que tu sais, t'as toujours des gens qui se mettent sur des grandes échasses pour faire des spectacles de rue. Ah. Et parfois, ils vont titiller les gamins comme ça et leur voler des trucs. Et c'est, ah, vrai, oui, c'est vrai. Je trouve ça assez impressionnant aussi, les échasses. Hein. Oui, c'est vrai. Et c'est souvent des clowns sur échasses, hein, d'ailleurs. Elles s'en remettent pas de son culette. C'est vrai que c'est horrible. Bon, continuez à nous appeler, là, 01 42 48 5000. Partagez avec nous vos pires phobies. Et là, nous allons accueillir une psychologue. Elle s'appelle Edith Haber. Elle a accepté de répondre à nos questions. Et elle est en direct avec nous. Bonsoir, Edith. Bonsoir Marion, bonsoir Atso, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté ce petit interview, ça nous fait bien plaisir. Ah, y a pas de soucis. On avait plein de questions à vous poser. Alors allez-y, je vous écoute. Hein. Déjà, on aimerait savoir, est-ce qu'il y a une origine des phobies par exemple? Est-ce que c'est toujours quelque chose qu'on a vécu dans notre enfance qui nous a traumatisé, ou est-ce que ça peut venir de nulle part? Quand même très souvent, quelque chose qui vient de notre enfance ou de notre adolescence, ou même en tant qu'adulte, ça va être des images qu'on a vues, ça va être une mauvaise expérience de vie. Si on est à côté de quelqu'un qui a des phobies pendant de longues années, on peut développer la même phobie que cette personne. Ah ouais. C'est difficile de généraliser en fait. Si on est de nature anxieuse, si on est dans une période dans laquelle on est fragilisé, ça peut encourager à développer une phobie. Et est-ce qu'il est possible, Edith, d'avoir une phobie de quelque chose d'improbable? Genre par exemple, la phobie de la fourchette ou d'une table? Oui, il y a des phobies sur à peu près tout et n'importe quoi. En général, ça vient quand même d'une mauvaise expérience qu'on a pu avoir quand on était petit. Si jamais on s'est planté une fourchette dans la main quand on était petit, on peut avoir développé une peur autour de ça. Ah ouais. Et avec les années, si on a encourager la peur de la fourchette, on va dire, en évitant à tout prix de tenir des fourchettes dans sa main, ça fait gonfler la peur. Ah d'accord. Mais alors, ce que et je comprends plus pas... les années passent, plus on peut en avoir peur. Hein. Mais par exemple, moi, Edith, bon, j'ai la phobie du lait, ça je sais d'où ça vient, c'est un vrai dégoût, mais j'ai aussi par exemple la phobie des insectes, et pourtant, j'ai jamais eu d'expérience traumatisante avec un insecte, quoi, j'ai jamais eu de problème. Donc, est-ce que c'est juste l'aspect qui, moi, me terrorise, ou est-ce que... Bah oui, il y a plusieurs choses avec les insectes. C'est vrai que certains animaux, déjà, ils dégoûtent un peu, donc c'est entre le dégoût et la peur. Oui. Après, c'est vrai qu'il y a plein d'animaux, bah, les araignées, les serpents et les insectes. Quand on voit des images à la télé, c'est souvent justement sur un mode effrayant. Mmh. Et il y a d'autres théories qui existent qui diraient que c'est un peu un héritage, on va dire, de la préhistoire où on avait besoin de se défendre réellement de ce genre d'insectes et d'animaux. Et donc que ça s'est un petit peu inscrit dans l'ADN, voilà, pour être sur la défensive. D'accord. Quoi qu'il arrive. Et on aurait... soi-disant, enfin, peut-être ça dans notre ADN qui serait resté en héritage. D'accord. Et alors, quelles sont les meilleures méthodes pour surmonter ces phobies ? Moi, j'avais entendu parler de l'hypnose. Je ne sais pas si ça marche. Alors, l'hypnose, oui, ça peut marcher parce que ça permet déjà d'atteindre des états de relaxation qui sont assez propices à être plus détendus quand on affronte ce qui nous fait peur, en fait. Ouais. Mais je dirais que ce qui marche vraiment très, très bien, c'est ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales. Les TCC. D'accord. Où on va travailler à la fois sur les pensées pour essayer de les rendre un petit peu plus rationnelles, parce que souvent c'est disproportionné et c'est pas du tout adapté à la situation. Et sur le comportement en faisant de la confrontation directe progressivement à ce qui nous fait peur. Ah, parce que par exemple, si je suis phobique des serpents et que je vais dans Fort Boyard, et qu'on m'enferme dans la cage aux serpents, est-ce que ça peut pas être un déclic? C'est trop violent ou c'est... Ça dépend. Chez certains, ça va être trop violent, alors ça risque d'avoir un effet contre-productif. Ouais. Chez d'autres, ça marche vraiment bien que ce soit direct. Après, en douceur, c'est plus sûr, donc c'est mieux de regarder déjà, on va dire, des photos avec des serpents, de toucher une peluche qui représente un serpent, puis un modèle un peu plus en plastique, un peu plus répugnant, comme ça, et progressivement de regarder un serpent dans une vitrine et s'approcher comme ça petit à petit. D'accord. Et juste, dernière question, Edith, la phobie la plus insolite auquel vous avez été confrontée, vous, dans votre passé de psy, c'était quoi ? Alors moi, je ne veux pas trop parler quand même de mes patients. Ah bah oui. Parce qu'il y a le secret professionnel, mais des phobies insolites, il y en a plein, comme la phobie des chauves, par exemple, c'est assez insolite. Ou la phobie des mentons, il y a des choses comme ça qui sont... La phobie des chauves, mais c'est horrible. Des chauves, oui. Il y a la phobie des cheveux, donc il vaut mieux pas faire des coupes. Ah, c'est génial. Basé sur ça, sinon ce serait un petit peu bizarre. C'est énorme. Sinon, il y a l'herpétophobie, qui, contrairement à son nom, est la phobie des lézards. Et des reptiles. Hein. Oui, moi j'étais à l'herpès, hein, excusez-moi. Ouais, oui, et ben non, justement, c'est pas ça. Voilà, d'accord. Moi, je plonge les deux pieds dedans. Bon, ben merci beaucoup, Edith. Si vous voulez en savoir plus, il y a un site, c'est www.paripsy.com. Edith, vous êtes dans le 10e, sans trop en donner. Si vous appelez c'est Edith ça, Haber. Exactement. Vous êtes adorable. Et si vous voulez plus d'infos, du coup, n'hésitez pas à aller visiter mon site. Ah, mais moi je la trouve tellement sympathique, Edith, que je voudrais avoir plus de phobie que ça pour aller la voir. J'en ai plein à vous proposer, hein. Il y a des listes entières. On va mettre votre site sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Au revoir, Edith. Merci. Au revoir, bonne soirée. À bientôt. Bisous. Alors, je lui ai dit bisous, moi. Franchement, la phobie des chauves, c'est magnifique. Non, mais t'imagines, on connaît un chauve connu. Bah, vachez, déjà, qui fait le matin. Ah ouais. Il y en a plein, c'est des chauves connus. Ça doit être horrible. Ça doit être hyper humiliant pour eux, les pauvres. T'arrives. Ah, quelle horreur, un chauve. Oh, les pauvres. Quoi. C'est dur. Bon, c'est rare. Bon, restez avec nous, puisque dans un instant sur Fun Radio, un nouveau membre de cette équipe va devoir affronter sa phobie. On dit qui ça ou pas ? Oui, c'est Yannick du Standard. Yannick au Standard qui a la phobie, on le rappelle, des serpents. Donc restez là, parce que tout ce qui est virilité sera concentré dans ce moment, je pense. Restez là, on se retrouve juste après Bob Sinclair. Découvert sur Fun Radio, c'est nouveau. Bob Sinclair sur Fun Radio, c'est Marion et Enzo, le Night Show. On est en mode spécial phobie ce soir. Oui. 01 42 48 5000 pour participer à l'émission. Partagez avec nous vos phobies. Dans un instant, c'est Thibaut qui va affronter sa phobie des poules. Avant, ça va être Yannick, la phobie des serpents. Ouais. Moi, je vais y passer sur le lait. Et il y aura aussi Amir qui va se faire percer puisqu'il a peur des aiguilles. Ouais. Si, Amir, il va se faire percer le nombril, mec. Je peux rire jusqu'à la fin. Qui va me forcer? Vous allez me forcer? Vous allez me. Non, bah. Ce qui est magnifique, c'est qu'on vient d'apprendre qu'il est obligé de garder le piercing au nombril pendant 48 heures. 48 heures, sérieusement. Et que du coup, demain, il va venir à la radio avec un petit top tour. C'est ça qu'on vous reproche à vous. C'est que. Une jupe. Vous êtes des mythos. Vous êtes des mythos. Moi, tu vois, déjà, Amir, je le trouve déjà mignon comme ça, avec un petit piercing, gars. Non, mais. Franchement, je vais pas te mentir. J'avoue que toi, c'est la pire. Parce que toi, vraiment, il y a une douleur en plus. Non. Moi j'ai eu le piercing au nombril, si ça fait mal, Anne, arrête tes conneries. Mais arrête, t'es con, dis-lui pas ça. Mais moi je le préviens. Parce que t'as cru que je pensais que ça me faisait plaisir. Mais non, mais on peut tout faire croire à quelqu'un. Ça va bien se passer. On a Thibaut qui nous appelle, figurez-vous, le château Thierry. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas entendu quelqu'un de Thierry. Château Thierry. Bonsoir Thibaut. Salut tout le monde, salut l'équipe. Ça va Thibaut? On dirait notre Thibaut. Ça va et vous? Ouais, très bien, t'as quel âge toi? Moi j'ai 18 ans depuis 3 mois. 18 ans depuis 3 mois, c'est précis. Bah, bon anniversaire. Dis-nous, t'as peur de quoi? Moi, j'ai peur des piqûres. À toi aussi. Comme moi. Ah bah oui, tu vas comprendre, Amir. Mais quoi qu'Amir, toi, ça va encore, les prises de sang, tout ça, tu surmontes. Bah, c'est vrai que t'étais avec moi à chaque prise de sang, en plus. Non, mais je veux dire, le pire, c'est les grosses aiguilles. En fait, c'est les aiguilles des prises de sang, si je me trompe pas, elles sont balèzes. Hein. Ah ouais, je te confirme, moi, j'en ai 10 000. Quand ils te mettent des tubes, là. Ouais. Oui, et oui. Et puis, t'as l'impression que ça s'arrête jamais, quoi. Et puis, moi, sur moi, à chaque fois, ils se trompent. Enfin, ils ratent la veine. Et la pire des aiguilles, c'est quand ils te font les gaz du sang, là, dans le poignet, là. Ça fait trop mal. Ça, par contre, on ne l'a jamais fait. Ah, c'est horrible. C'est le pire truc du monde. C'est quoi le gaz du sang? Bah, le gaz du sang, c'est un examen. Je sais pas, quand j'étais à l'hôpital, ils arrêtaient pas de me faire ça pour le diabète. Et du coup, ils me prenaient dans une piqûre, là. En fait, ils vont chercher le sang dans l'artère. Donc, c'est hyper terrible. Profond. Ça fait trop mal. Et du coup, je vous ai trouvé un son d'une nana qui a la phobie des aiguilles cet après-midi. Ah, tu l'as là? Ouais, je l'ai là, Thibaut, vas-y. C'est génial, elle se fait faire une prise de sang, c'est ça? Ouais, c'est ça, elle est un peu dans l'excès quand même. Oui, Thibaut. Ah, j'ai un truc pour vous si vous voulez. Ah. C'est quoi? Parce que moi j'ai écouté ton son tout l'après-midi, ça m'a donné une petite idée. Ça fait quoi? Ah, bah attends. Il fait un remix. Qu'il est con. J'adore. Tu nous as fait Sound of Legend. C'est ça. Et franchement, ça le fait de ouf. Hein. Et Thibaut, comment tu trouves le remix de Thibaut à l'arrière? Ah, plutôt pas mal, il gère franchement. Et là, est-ce que toi tu fais les mêmes cris quand du coup tu vas te faire piquer ou pas? Ah non, pas du tout, moi du coup je peux pas me faire piquer. Bah comment tu fais? T'as pas le choix. Bah oui. Non, du coup je dois faire des. Je dois pisser dans un pot pour que ça soit examiné ou alors je dois faire des prélèvements avec ma langue. Ah oui, mais les prises de sang c'est obligatoire sur certaines choses. Bien sûr. Non, mais il y a des trucs où je peux pas, du coup ils trouvent un autre moyen. Ah carrément, on en est là quoi. Ah ouais, c'est ouais. Ah, ça me fait vraiment flipper. Si, Thibaut, pour une prise de sang, il faut une anesthésie générale. Mais tu sais, pour le coup, tu devrais aller voir quelqu'un comme on a eu tout à l'heure au téléphone, Edith, la psy, parce que honnêtement, si un jour il t'arrive une tuile comme Anso qui a découvert qu'elle était diabétique, tu dois subir une batterie d'examens et là, t'as pas le choix, quoi. Bah, oui. Donc, vaut mieux que tu guérisses un peu cette phobie. Faut m'endormir. Hein. Avant. Non, mais franchement, essaie de la traiter maintenant. T'as l'âge pour le faire, tu vois. Ouais. Ah ouais, c'est hyper important. Je suis pas sûr que ça passe même avec un psy, hein, franchement. Si, bien sûr essayer. Que si. Toutes les phobies peuvent être traitées, y a pas de souci. Hein. Un psy ou un psychiatre ou un hypnotiseur. Ta famille. Souci ou Psy, le chanteur. Non mais tu peux, c'est possible. Ouais, y a pas de souci, mais il faut vraiment que tu règles ça parce que c'est handicapant quand même. Hein. Ouais. Ok. Bon, Thibaut, on croit en toi. T'es notre bonhomme. On t'embrasse. Merci. Pas de souci. Je peux me remettre un coup du remix ou pas? Ouais, vas-y. Je me rappelle que ce sont les bruits qu'elle fait pendant une prise de sang. Oui. Génial. Qui est posé sur le son Sound of Legend. Bon, mon Yannick du standard. Ouais. Ça va, bichon? Ça va, très stressé. En plus, il est malade ce soir, le pauvre, c'est la totale pour lui. Ouais, Yannick, lui, il a une phobie. Alors, c'est pas très original, mais en même temps, ça concerne beaucoup de gens. C'est les serpents. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui te dégoûte dans le serpent? Qu'est-ce que t'aimes pas? Tout, j'ai peur que ça soit froid, visqueux. Ah, mais c'est froid. Alors, c'est froid et visqueux. T'en as jamais touché? Non, jamais. D'accord. Nous, on a eu l'occasion de le faire plusieurs fois dans cette émission l'année dernière. Oui. C'est froid, mais c'est pas visqueux, c'est même plutôt assez agréable à toucher, j'avoue. Alors, je vais te rassurer tout de suite, les serpents qu'on a fait venir ne sont pas venimeux, ils ne peuvent pas t'étouffer ni te mordre, il n'y a pas de souci. Ah, on est sûr. C'est les serpents sauvages. Donc, oui, mais bon, on n'a pas pris des serpents qui vont le tuer quand même. Hein. Non, voilà. Ils n'ont pas été pris pour ça, mais ils peuvent partir en live. Par contre, ils ont une langue, ils ont tout ça, quoi. Ce sont des vrais serpents, il faut que tu t'y prépares. Ouais, mais j'ai la peau chaude là, donc parce que je stresse. Bah, c'est pas grave, ils vont kiffer. Ah, ça, on sait pas. Est-ce que tu es prêt, Bichon? Faut bien. Branchez-vous sur le Facebook Live Marion et Anso, sur la page Facebook. On va lui amener un serpent autour du cou. Épreuve toute simple, je vais pas te demander de danser avec, de faire le fou avec, juste de le supporter autour de ton cou. J'adore sa tête. Ouais. Il est pas bien. Je suis sûr qu'il n'y a pas de soucis. Non, non, t'inquiète pas, Yannick. Par contre, pas de mouvement brusque. À quel moment on voudrait qu'il se passe un truc horrible dans cette émission? Bah, ça pourrait buzzer, Anso. Je peux le toucher avant. Oui. Oui, bien sûr. Prépare-toi, tu vas le toucher. Donc là, le serpent s'approche. Il est joli, hein. C'est un petit serpent et de taille moyenne. Oh, mais merde. Oui, c'est froid. C'est très mou, en fait. Tu croyais que c'était quoi, mon gars? Bah, je croyais que c'était dur. Alors, effectivement, la tête est vers lui. On va lui poser tranquillement autour du cou. C'est doux. Et regarde, il a des reflets à cajou. Oui, c'est vrai qu'il est très beau, ce serpent. On va vous mettre des photos aussi sur les réseaux sociaux. Il est magnifique. Alors, allez-y, monsieur, vous pouvez le mettre autour de lui. On est sûr qu'il a mangé. Ne bouge pas, Yannick. Ah, je sais. Essaie de pas lui faire peur parce que j'ai pas envie qu'il tombe. Ici, tu sais à quel point on est attaché aux animaux. Sur. Attends, parce qu'il y a sa petite tête qui s'approche de ton oreille. Ah non, Yannick, merde. Yannick, il faut que tu le fasses. Chacun doit affronter ça. Mais Yannou, il faut que tu dises un truc, c'est que c'est pour toi. Oui. Allez. La petite tout à l'heure, elle a dit un déclic, ça peut marcher. Allez. Bouge pas. Non, bouge pas. Mais lève la tête. Bouge pas. Il va tomber si tu bouges. Ne bouge pas. Yannick, t'es un bonhomme. Il est là. Il est. Oh le con. Chut, attends. ne bouge pas, il est sur toi. Ne bouge pas. Regarde à droite. Il est sur toi. Non, regarde pas. Il y a le serpent qui. Oh, il serre. Il m'étouffe. Attendez, parce que le gars dit il m'étouffe. Il y a 8 mètres. Ah, je te jure qu'il m'étouffe. Le serpent, il le touche à peine. Ah, c'est magnifique, bravo. Ah, bravo, Yannick. Bravo. C'était génial. C'était magnifique. Cela dit, c'est assez impressionnant quand même d'avoir un serpent sur soi. Moi, je l'ai déjà fait aussi. Franchement, ça fait bizarre parce qu'on sait pas ce qu'il peut faire et on a toujours cette peur qui nous enroule le cou. Non, mais le il m'étouffe, il est tellement magnifique, quoi. Bravo, mon Yannick. Tu vois, tu l'as fait. Est-ce que tu te sens mieux? Ouais, j'ai l'impression que ma fièvre est partie carrément. Avec l'adrénaline. Ouais, par contre, tu sues beaucoup là. Ouais. Bon, allez, restez avec nous puisque dans un instant sur Fun Radio, ce sera Marion, Amir et Thibaut d'affronter leur propre phobie. Et puis, on va faire des jeux ensemble aussi dans un instant. Oui. 01 42 48 5000, on fait une émission ensemble spéciale phobie. Venez partager les vôtres et on se retrouve juste après. Sib, c'est Brice sur Fun Radio. Ça veut dire respire. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Kisses are the only doubt. I listen out from your lies. Just breathe down. 23h04, on est en direct. C'est Marion et Anso. Dans un instant, c'est Amir qui va devoir affronter sa phobie des aiguilles. Alors lui, on lui a réservé le pire puisqu'il va devoir se faire percer le nombril, rien que ça. Ne manquez pas ce moment sur la page Facebook Marion et Anso, je pense que ça va crier. Non, mais ce qui me fait encore plus rire, c'est que le gars va être obligé de rester avec son piercing pendant au moins 48 heures. Ah, et ça, terrible. C'est génial de l'imaginer arriver à la radio demain avec son piercing. Hashtag virilité. Ouais. Bon, je vous ai trouvé les phobies les plus insolites, les plus ridicules. Enfin, ridicules non, j'ai pas envie d'offenser des gens qui ont ces phobies, mais en tout cas, les plus originales. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. La galmatorémaphobie. À votre avis, vous pouvez pas trouver. Bizarre, hein. En fait, c'est la peur que les statues se mettent à parler lors d'une visite au musée. Mais enfin, ça n'a aucun sens. Ouais, mais je pense qu'ils ont vu ça dans des films, parce qu'effectivement, dans certains films, la nuit au musée, tout ça, t'as ça. Oui, mais c'est, en plus, ça peut être hyper charmé. Et bah, eux, c'est leur phobie. Je suis désolée, c'est comme ça. D'accord. La cubiculacétophobie. Alors là, il s'agit de la peur des lézards qui tombent sur le lit. Des lézards qui tombent sur le lit. Je vois pas, j'ai pas d'explication. Ouais. Ouais, si, la peur d'être réveillé la nuit par un truc chelou, je sais pas. Ouais, t'as un lézard qui te tombe dessus, trop chelou. Anatidaephobie. Là, c'est la peur qu'un canard soit en train de vous regarder. Ah ouais. C'est pas la peur du canard, tu vois. C'est la peur qu'un canard te regarde, mais c'est improbable. Et cela dit, c'est pervers un canard aussi. La phobophobie. Ah, c'est la phobie de la phobie. Exactement. Ah, bien joué. Elle est forte. C'est la peur d'avoir peur. C'est improbable. Ouais. Mais c'est vraiment des angoisses, quoi. Non, mais c'est vrai que ça te fait pas ça quand tu vas, par exemple, dans un manège. T'as envie de te faire peur, mais t'as peur d'avoir très peur. Tu vois ce que je veux dire? Bête. Ouais. Donc, L'enduophobie. Là, c'est la peur de devoir s'habiller. Donc, je ne sais pas comment font ces gens au quotidien. Ouais. Mais c'est une vraie angoisse pour eux, s'habiller. C'est énorme, non? Mais surtout, tu ne peux pas te balader. Quoique, en ce moment, on est en train de parler de cette polémique où à Paris, il va y avoir des quartiers oui, c'est vrai. Qui vont pouvoir être naturistes. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais comment ils s'habillent, ces gens? Bah, je sais pas. Ils se débrouillent. La gyné... Meuf, avec trop d'empathie. Ouais, ils se démerdent. Gynéphobie. Tu c'est peux la peur du gynécologue? C'est pas loin, c'est la peur des femmes. Ah ouais. Donc ça pareil, je vois pas comment, parce que quand même on croise beaucoup de femmes dans sa vie. Ouais. Donc je vois pas comment tu la gères, c'est hyper compliqué. La stasophobie. Tu sais pas? Stasophobie. C'est hyper bizarre, c'est la peur de devoir rester debout pendant longtemps. Ah bah remarque, c'est jamais très agréable, hein. Oh c'est chiant. Regarde-moi, je vois un concert. Au bout d'un moment, je perds patience. Bah justement, on fait quand même une dédicace à tous les agents de sécurité qui passent la nuit debout quand même là. Ouais, grave, on les embrasse, on pense à vous. Heureusement qu'ils ont pas cette phobie, t'imagines? Ouais. Bah oui, bah ils feraient pas ce métier en fait. Bah oui, c'est ça, c'est-à-dire que moi j'ai la phobie des clowns, je travaille pas dans un cirque. Je suis désolée, parfois tu développes des phobies après plus tard dans ta vie d'adulte, tu vois. Donc peut-être qu'ils sont déjà agents de sécu et qu'ils sont devenus Ah ouais, c'est peut-être ça. Et oui madame. Putain, t'es forte. La butyrophobie. Tu peux deviner. Butiner? Non. Les abeilles? Non. Les guêpes? Peur du beurre. Oh, le beurre. Peur du beurre, c'est énorme ou pas? Bah, à quel moment je croyais que je pouvais deviner la peur du beurre, t'sais. Bah, rapport à butyrophobie, je sais pas. Bah non. Si, il y a un truc. En termes d'étymologie, il y a un truc. Eh bah, écoute, c'est chelou d'avoir peur du beurre, mais en tout cas, ça doit être très bien pour éviter de grossir, ça doit pas être mal. Tout à fait, Anso. Bon, je crois qu'il est temps de passer à Amir. La phobie d'Amir qui va débarquer dans un instant, juste après Laurie qui nous a appelé. Ah, mais elle sait gérer le suspense, celle-là. Hein. Laurie de Paris, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Salut. Ça va et toi? Ça va super, écoutez. Bon, il faut que tu restes là puisque dans un instant, Amir, c'est exceptionnel, va se faire percer le nombril. Mm. Ne manque pas ce moment. Oulou, cher. Les filles? Quoi? Oui. Je veux bien. Qu'est-ce qu'il y a? Voir l'aiguille. Ouais. Mais c'est pas dit que j'aille jusqu'au bout. Amir. Non mais je vous le dis, moi ça me fait vraiment flipper. Tu vas fermer les yeux, je te le dis, et tu vas le faire. Bichon, ça va, il faut surmonter ses phobies, c'est le thème de la soirée. J'adore cette soirée. Alors dis-moi ma belle, t'as peur de quoi toi? Eh ben écoutez, moi j'ai peur du sang. Ah, cela dit, je peux comprendre Laurie que le sang soit pas... Mais par exemple, tu vois, moi qui suis diabétique et je me pique le doigt, quand tu vois un petit peu de sang sortir du doigt, ça te fait peur aussi? Ah oui, je peux pas. La dernière fois, petite anecdote, j'étais en cours d'anglais et je me suis, sans faire exprès, coupé le doigt avec mon ciseau. Ouf. Enfin, le ciseau d'une amie qui s'appelle Manon. Et pour rigoler, je lui dis, tiens, t'as un souvenir de moi, un bout de chair. Oh. Voilà, c'est horrible. Et au final, je vois le sang et j'ai fait un malaise en plein cours. Arrêtez. Voilà. Non, je vous jure. Ouais. Mais ça, ça m'arrive de faire des malaises, ouais. Ça, c'est chaud quand même parce que, ouais, on a une question un peu dégueulasse avec Anso, mais on est obligé parce que je suis sûre que tout le monde y pense. Quand tu as tes règles, comment tu fais? Bah oui. Alors, oui, ça, c'est la question qu'on me pose un peu souvent, mais oui, non, ça ne me dérange pas. Enfin, ça, je sais que c'est naturel en fait. Bah, donc, bizarrement, quand je me coupe, ouais, c'est horrible. Ouais, d'accord, je peux comprendre quand tu fais pas attention. Moi, j'ai un peu la même phobie que toi, Laurie aussi, c'est quand je me coupe avec un couteau ou avec une feuille, tu sais, la petite coupure là qui fait hyper mal, elle peut me faire tourner de l'œil aussi. C'est pareil. Bon. Ah, c'est horrible. On va le dire à tous les auditeurs qui passent ce soir, mais il y a des solutions, Bichette. Va voir une psy, il y a des thérapies comme ça qui peuvent marcher. Il y a l'hypnose aussi. Il faut que tu te débarrasses de ça, c'est hyper important. Bah oui, parce que déjà pour les prises de sang, c'est hyper hyper important. Ouais, et puis si tu veux faire infirmière, bon bah voilà. Puis alors, je te parle pas de chirurgie. c'est clair. Bon, Laurie, on t'embrasse, ma chérie. Merci de nous avoir partagé ta phobie. Bah bisous. Et est-ce que je peux passer une dédicace vite fait? Oui, bien sûr. Bah, je voulais faire une dédicace à ma classe de première L qui m'écoute, surtout à Élise, Manon, Margot, Smidi et puis les amis de Twitter, voilà. Ok, et ben on et embrasse tout le monde. Aussi. Bisous ma belle, à bientôt. Bisous Laurie, bisous, ciao ciao. Bon les amis, je suis prête, hein. Je vais y aller bon. En tant qu'envoyé spécial puisque Amir est à la rédac, il va se faire percer, j'y vais, j'y fonce. Alors je vous explique, parce qu'en fait Amir a la phobie des aiguilles, il nous l'a dit en tout début d'émission, donc du coup nous on a décidé... de tenter à ce qu'il aille mieux. J'arrive pas à cette phrase. Oui, voilà, c'est vous de. Vous m'entendez de on t'entend. Et donc, du coup, ce perceur nous expliquait qu'il voulait pas le faire dans le studio parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui parlent. Donc, il voulait être dans un endroit plus calme, mais qui en fait est bondé. Hein. C'est le Stade de France là-bas. Hein. Alors, bonjour monsieur, bonsoir, enchanté. Donc, de rentrer dans la rédac de Fun Radio. Alors, je vous explique. Amir est debout. Il est en train de le désinfecter, il est en train de dessiner là le petit point. Parce qu'évidemment, je ne sais pas si vous êtes déjà fait percer, mais il faut d'abord faire un dessin. Bah pour oui. Être sûr de où on pique. Amir, est-ce que tout va bien? Non, d'accord. Amir n'est pas bien. Amir est un peu tendu. Je vous assure, il y a tout l'attirail. Là, branchez-vous sur la page Facebook Marion et Anso. Il y a des ciseaux, il y a des antiseptiques, il y a des aiguilles. Ça me dégoûte rien que de voir ça. Ça me fait froid dans le dos. Bah, je peux comprendre. Alors là, il est en train de préparer l'aiguille. Oh là là, c'est une cata. Il va s'allonger, Amir. On a préparé une table. Mais attends, Marion. Moi, j'aimerais savoir comment Amir se sent. Amir, il faut que tu donnes tes impressions. Comment tu te sens? Dis la vérité. Vachement en sécurité, je me sens bien. En plus, il y a tout le monde autour. Il y a tout le monde dans le bureau. Là. Alors, Anne-Sain, en plus, c'est horrible parce que le pauvre n'a même pas un petit lit, quelque chose. Il a une vieille table toute dure avec une serviette dessus. Ah oui, d'accord, carrément. Là, il est allongé. Alors, étape, où il va devoir tirer la peau. Amir, je vais mettre le micro à côté de toi. Attendez, rapprochez-vous bien parce qu'on vous entend mal, les bichons. Hein. Allô? Marion, on ne t'entend plus. Attends. Or, est-ce que tu m'entends là? Ouais, là est-ce je t'entends. Est-ce que là tu m'entends? Je vais te commenter ça d'ici, puisque à l'intérieur ça passe mal. Il est en train de soulever la peau de son nombril avec un espèce de ciseau. Amir transpire. Amir est hyper mal. Est-ce que tu l'entends hurler ou pas? Non, je l'entends pas assez, mais il va crier fort, non? Amir, ah ça oui. va? Ah non, il est pas bien. Il est pas bien. Et là, ça y est, ils ont. Oh mon Dieu! Mon Dieu, il est en train de faire le dos. Mais je vois, parce que je vous suis sur le Facebook Live Marion et Anso. Effectivement, il y a la main. Même moi, je dégoûte. Attention là, on vous entend. Ah, ça y est. Ah c'est terrible, ah ça me dégoûte Anso. Ah oui effectivement. Ah là. Ça y est il est percé. Il est percé, en plus il a un diamant mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse sur ma vie, c'est dégueulasse. Ah je veux trop voir. Ah non mais l'aiguille est énorme. Et effectivement effectivement si vous ne vous voyez pas sur la page Facebook. Mais c'est qu'il a un diamant pile au nombril. Et franchement on va féliciter le perceur parce qu'il a fait ça vite et bien. Et mais, Amir a à peine crié hein. Mais en deux secondes hein, ça s'est passé en deux secondes. C'est il, un va, truc de ouf. Il va nous donner ses impressions dans un instant là, le temps qu'il se remette. Mais franchement bravo monsieur le perceur hein, on est fiers de vous hein. Ah, puis, et j'ai l'impression qu'on voit pas de sang. Il est en train de mettre en place la petite boule. Ouais on est au top. Oh là là, Amir... Amir est pas bien hein, je vous le dis hein. Amir il a un diamant bien. Dans le nombril. Si vous nous rejoignez sur Fun Radio, sachez que Amir on est en train de vivre une émission spéciale phobie. Amir elle avait la peur des aiguilles et il vient de se faire percer le nombril en direct. C'est assez magnifique. J'adore. Et on va remercier donc le perceur. Ça s'appelle comment Enzo? Je sais pas comment ça se prononce. C'est 2GY, c'est un salon dans Paris. 2GY et franchement hyper fort. Ils ont fait ça en plus en toute sécurité. On avait tout stérilisé et tout. Merci beaucoup, ils sont dans le 18e, on les embrasse. Et 2GY, on vous met toutes les infos sur la page Facebook. Yes. Alors c'est magnifique hein. Je peux crever de rire de le voir avec son diamant. Non mais c'est génial. C'est lunaire mais par contre franchement bravo à lui parce que ça s'est bien passé et il a pas crié quoi. Non franchement il est très très fort. Bravo Amir. Bon reste avec nous puisque dans un instant sur Fun Radio. Je viens de rentrer. Attends Amir vient de revenir dans le studio. Amir il faut que tu parles là aux gens. Il est blanc. Vous foutez de ma gueule. Ah c'est horrible. Vous m'avez mis un truc de meuf. Bah oui. Et le mec m'a dit je dois garder ça 2 jours. Je sais. 48 heures je dois garder ça. Oui, je sais. Mais nous, ce qui nous intéresse, est-ce que tu as surmonté ta peur des aiguilles? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été au moins? Tu vas pas faire la gueule, Amir. Tu non, vas pas bouder. Je me sens pas bien. Je vous jure, je me sens vraiment pas bien. Bah oui, c'est normal. Je me sens pas bien et ça fait mal. Hein. Bah oui, je t'avais dit. C'est pas des blagues. Hein. Ouais. Ouais, mais franchement, t'es tombé sur un mec bien. Il a fait ça. Ah non, le mec est très pro. Mais je vais rien demander moi. Je vais rien demander. Bon, allez, reste avec nous puisque il reste Marion. Il reste Thibaut aussi à la réa. Les ouais. deux vont surmonter leur phobie dans un instant sur Fun Radio. Et on fait de la radio ensemble. 01 42 48 5000. Et pour le son tout de suite, c'est Lost Frequencies, le tout nouveau. Il est mortel, écoutez ça. Ça s'appelle Beautiful Life sur Fun Radio. Anywhere you want to go, I follow. Mountain high and river low, I follow. Take me to the bottom, drop me in low, wherever you go. Mountain high and river low, I follow. Il est 23h17, c'est Marion et Anne-So, le Night Show. Et on parle phobie ensemble. Donc appelez-nous 01 42 48 5000. Amir s'est remis de ses émotions, il va mieux. Il a son petit piercing tout à fait mignon, nombril. Oui, c'est pas mal. Franchement, ça passe bien. On va vous mettre la photo sur les réseaux et aller voir surtout le Facebook Live, puisque vous pouvez vous faire les replays, il n'y a pas de souci, il reste un. Et puis je vous rappelle qu'il reste Thibaut. Thibaut à l'arrière, il a la phobie des poules. Oui. On va découvrir ça dans un instant. Et puis Marion, elle a la phobie, le dégoût du lait. Donc on lui a prévu tout ce qui est maillot de bain et tenue de rechange. Comme par hasard, il y en a une qui va être à moitié à poil. Franchement, c'est pas cool. Hein. Voilà, c'est ça. Mais comme c'est mieux gauler des deux, arrête, on s'est dit que c'était pas mal. N'importe quoi. Il y a John de Lyon qui nous a appelé parce qu'il a une phobie lui aussi, tiens. Ah. Bonsoir, John. Allô ? Salut. Ça va, John ? Ça va, et toi ? Bah ouais, très bien. Ça se passe la vie à Lyon ? Bah ça se passe, tranquillou. Hein. Alors, essaie de nous faire deviner ta phobie, c'est marrant. Donne-nous des indices et nous, par exemple, je vais te poser des questions, tu vas dire oui ou non, d'accord ? Ok. Alors, est-ce que c'est un animal ? Non. Est-ce que c'est alimentaire ? Non plus. Est-ce que c'est la peur d'un objet ? Non, non, non. D'un animal ? Non, j'ai dit non. Déjà. Donne-nous un indice. Ça fait partie du corps humain. Ah, la phobie d'une partie du corps. Le téton ? Le coude ? Non. Le nombril, non plus. Le pied ? Non. Ou sans... oui, oui. Le pied ? Ah, le pied ? Les pieds, ouais, c'est un truc que je supporte pas. Ah, t'as peur des pieds, d'accord. Mais depuis combien de temps ? Ça doit faire, bah, je sais pas, ça doit faire 4-5 ans. Je sais pas pourquoi, j'ai pas eu de problème psychologique avec ça ni rien, mais ça fait 4-5 ans où je peux pas. J'ai ma copine, ça fait 3 ans que je suis avec. Balader pieds nus, c'est impossible. Faut obligatoirement qu'elle mette des chaussettes quand elle est avec moi. C'est, même à la piscine, je peux pas. C'est, Mais attends, mais par exemple, comment tu fais l'été ? Parce que tout le monde est pieds nus l'été, ça doit être une horreur pour toi de vivre. Ah mais c'est plus qu'une horreur, c'est truc de malade quoi. Ah mais moi, alors tu vois, autant je trouve pas ça très joli les pieds, c'est pas la partie du corps que je préfère. Non plus mais... C'est dégueulasse, c'est moche, c'est... Ah. Mais c'est-à-dire que quand je vois une paire de pieds, je pars pas en courant quoi. Moi non plus. Non, je pars pas en courant mais il y a un truc en moi qui fait que je me sens pas bien, enfin je supporte pas. Et est-ce que t'as peur de tes propres pieds ? Non, les miens, à la limite, tu vois, je suis habitué, je sais pas pourquoi, mais... Bah, c'est normal, tu les as depuis tout petit, donc forcément, ouais. Tu t'es habitué. Non, quoi. Sérieux. Mais ta meuf, elle est obligée de partir des chaussettes quand elle dort avec toi? Ah bah oui, hein, mais ça oui. Ça doit être relou, parce que dormir en chaussettes, c'est vraiment le pire truc du monde. Et l'été surtout, tu vois. Oui. Je veux dire, au bord de la piscine, tout ça, enfin, à un moment donné... Ouais, non, mais c'est mort. C'est mort. Et c'est pareil, même conseil que tout le monde, essaie d'aller surmonter ça et de faire une petite thérapie. Franchement, ça peut t'aider. Hein. Ouais, faut voir. Et qu'est-ce que tu penses des tongs, John? Les tongs bien fermés, ça me va. Les tongs quoi? Bien fermés, bah oui, mais les tongs, c'est ouvert. Pour toi, les tongs, c'est l'objet du mal, quoi. Ouais, grave, c'est à peu près ça. Et merci d'avoir partagé ça avec nous, mon pote, on t'embrasse. Mais de rien. Allez, gros bisous. Bisous, à bientôt. Bisous, John. À bientôt. Bon, les gars, moi, je vous ai trouvé les phobies sexuelles. Ah, ça, c'est sympa. Est-ce que vous êtes prêts à jouer avec moi? Vas-y. Ouais. Oui. Bon, alors, qu'est-ce que c'est d'après vous la gymnophobie? Ah, bah, c'est un rapport avec la gym. La gym. Mais les gars, on est sur la phobie sexuelle. Non, si. Alors, la phobie des positions très acrobatiques. C'est pas ça, Thibaut Alaria. La phobie de coucher avec une gymnaste? Ah, ouais. Eh ben non, c'est la peur de la nudité. Mais attends, comment tu peux faire avec ça? C'est pas possible. Bah, je sais pas comment tu peux faire. Je pense que tu te fais soigner parce que sinon tu... Ou alors c'est quelqu'un d'asexué qui n'aime pas faire l'amour. Ah oui, mais même ton propre corps, t'es nu souvent quand même. Oui, non, bah je pense que son propre. Enfin, je sais pas, Marc, ouais, peut-être ton propre corps aussi. Oui, Thibaut. Bah, moi, j'ai déjà essayé de faire l'amour avec un jean contre jean, ça marche pas. Hein. Bah oui, je te confirme, ça, c'est moi sûr. Moi aussi, j'ai déjà essayé quelques fois. Alors, qu'est-ce que la génophobie? Ah, moi, je connais celui-là. Alors, dis rien, les garçons, est-ce que vous avez une idée? La génophobie, la peur du gland. Non. La genèse, ça vient de là peut-être. Mais non, c'est la peur du sexe. Oui, c'est vrai. C'est la peur du sexe en général. En général. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que t'as peur du rapport sexuel, t'as peur du sexe. Quoi. Ouais, mais ça peut être en rapport avec une enfance. Ouais, compliqué, c'est possible. Oui, effectivement. Mais... Ouais. Alors, qu'est-ce que l'érotophobie? La peur des trucs très érotiques. Non, mais c'est pas bête. Bah oui, merci. C'est pas bête. C'est quoi? Est-ce que vous avez une idée? Roto, la peur de roter quand on fait l'amour? Non, enfin, ça n'a aucun sens, Wienzo, au standard. Quand t'as peur de faire l'amour à nos rotos? Eh ben non, figurez-vous que c'est la peur de parler de sexe. Ouais. Et ouais. Et donc, je peux vous dire que nous ne sommes pas du tout érotophobes dans c'est cette vrai. Émission. Qu'est-ce que la phallophobie? La phallophobie? Phallus. Ouais, je suis d'accord. Bah, du coup, la peur du phallus. Effectivement, c'est la peur du pénis en général. Alors, pour la femme, c'est la peur de toucher ou de voir un pénis d'homme. Et pour l'homme, c'est la peur d'avoir une érection. Carrément. Ah, c'est ouf, ça. Ouais. La peur d'avoir une érection? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand t'es phallophobe, toi-même, c'est que t'as peur de bander. Mais est-ce que, du coup, parce que les mecs, on a tous eu à un moment donné dans sa vie peur de bander. Genre quand on sort de l'eau à la piscine ou... Ah non, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est parce que t'as peur d'être gêné et que les autres te voient. Voilà. J'avais besoin de savoir. Voilà. Qu'est-ce que la médomalacuphobe? Oula. Bah, qu'est-ce qu'on en sait? La médomalacuphobie. Peur des médos, non, j'ai aucune idée. Eh ben, c'est justement l'inverse, c'est la peur de ne pas pouvoir avoir d'érection, justement. Ah, d'accord, voilà, mais pourquoi ils mettent des noms si compliqués pour des choses si simples? Bah, c'est peut-être parce que... T'aurais appelé ça comment, toi? La non-érectophobie. Bah oui, c'est ça, non-érectophobie, le non-bandage. Voilà, le non-bandage. Qu'est-ce que la câlinéphobie? Waouh. Câline, câlins, c'est pas les, non, c'est pas les chiens. Peur des câlins. Non. C'est la peur des belles femmes et l'incapacité d'avoir des rapports sexuels avec des femmes trop trop belles. Ah, mais ça, il y en a plein. C'est pour ça, les gars, que j'ai pas de rapports sexuels. Non, mais ça, je peux comprendre. Ouais, parce que ça, il y a plein de mecs qui se mettent tellement la pression avec des jolies femmes et du coup, à mon avis, c'est assez courant. Mais je pense qu'il y a une différence entre se mettre la pression et avoir la phobie. Je pense que quelqu'un qui est phobique doit totalement paniquer, alors que vous, les garçons, vous voyez une nana trop belle qui a envie de coucher avec vous, vous y allez quand même. Ouais, même si vous avez peur. Ouais, mais bon, pas sûr d'y arriver. Ouais. Qu'est-ce que l'androphobie? Peur de boire du jus d'orange andros pendant que tu fais l'amour. Alors, meuf, prochaine fois que tu fais l'amour, bois de l'andros pour moi. Et filme-toi. Non, c'est la peur des hommes en général. Ah oui, c'est logique. Androphobie. Bah non. Bah si. Si, c'est le dieu des hommes. Bah oui. Bon, et puis il y en a un dernier, c'est le vaginisme, mais c'est aussi une maladie. Ah bah c'est, oui. C'est une phobie très connue, c'est un problème inconscient qui empêche la pénétration, ou même l'insertion de tampons ou l'insertion de tout objet. En fait, tu contractes tellement que ça passe pas. Ah ouais? Exactement. Le vaginisme, et ça, c'est hyper courant, il y a plein de filles qui ont ça. Ouais. C'est dur. Bah on va demander à Margot, elle nous a appelé Margot, peut-être qu'elle a vaginisme. Oh non. Bonsoir Margot. Bonsoir toute l'équipe, vous allez bien? Oui, ça va et toi? Moyen. Oui. Bon, Amir va moyen, parce que comme tu le sais, il s'est fait percer le nombril et c'est pas terrible, quoi. Non, mais en fait, quand je rigole, j'ai mal. Bah c'est normal, Bichon, ah, c'est une piqûre. Lance. Hein. Non mais ça me lance. Mais oh. C'est normal, arrête de faire ta chouchotte. Margot, chérie, c'est quoi ta phobie, toi? Moi, je vous appelle parce que j'ai peur des scolopendres et j'en ai eu un qui est rentré dans la douche et j'ai eu très peur. Oh. Ah oui, les scolopendres. Cela dit, je suis pas très à l'aise avec ça. Tu sais, c'est les insectes qui sont très très longs, très très fins et qui marchent un peu au ralenti comme si c'était des bêtes féroces. Un peu comme des mille pattes, là? Hein, mais moi, non, je vois c'est pas des mille pattes. C'est un insecte qui est très long avec des grandes pattes et qui a un peu la couleur du bois. Est-ce que c'est un peu une carapace un peu? Pas du tout. Ah d'accord. Ben je vois pas. Oui Thibaut. En gros, faut imaginer un scorpion mais avec mille pattes un peu. Tu vois, mais sauf qu'il y a pas de gros pic derrière, mais c'est un peu la même gueule. Ça fait partie de la même famille. C'est celui qui a plein de pattes. Ouais, c'est ça. Parce que j'étais pas du tout en train de vous décrire ça. Eh bien voilà, c'est ce que je disais. Donc c'est un peu comme un mille pattes. Alors Margot. Juste, je comprends cette phobie parce que moi aussi ça me terroriserait, mais on n'a pas l'occasion d'en voir tous les jours quand même, cela dit. Bah, à moins de faire Koh-Lanta, effectivement. Bah oui. Bichette, t'en vois souvent? Oui. Non, pas souvent. Ça m'est déjà arrivé une fois et j'ai eu très peur. Bah oui, je comprends. Il était dans la douche, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, comment t'as fait? Eh ben, j'ai eu peur de l'enlever, donc c'est ma mère qui l'a enlevé. Oui. Ouais, forcément. Ouais. Mais quand t'es tout seul et que ça t'arrive, ça. Bah, cela dit, moi ça m'est arrivé l'autre fois. On vous en parlait dans l'émission avec une guêpe. Arrêtez de rentrer une guêpe, ça va. Dans mon appart, et moi, premier réflexe, moi j'appelle une amie, le réconfort, Marion, qui me dit c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Attends, elle était terrorisée par une guêpe. Je lui dis, bah t'ouvres la fenêtre et puis t'attends qu'elle sorte. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. J'ai ouvert la fenêtre, elle est sortie. Évidemment. Bon, bah Margot, chérie, ça va. Je vais pas t'envoyer chez le psy pour ça parce que tu vas pas en voir tous les jours. Hein. Non. Non, je vous fais d'énormes bisous. Nous aussi, on t'embrasse, ma belle. Trop mignonne. Bisous. À bientôt. Elle est trop chou. L'équipe, 2-3 phobies de stars, ça vous intéresse ou pas? Oui. Alors, vous allez essayer de deviner Rihanna, par exemple. Just get ready, work, work, work. Oh, Rihanna, elle a bien une tête à avoir peur. Attends, et c'est un truc chelou, insolite? Pas tant que ça. Araignée. Non, alors c'est animalier, mais c'est pas des insectes. Le sanglier. Non, pas du tout. Pas du tout. Bah non, mais ça doit être un truc comme le serpent ou je sais pas. Non, c'est la peur des poissons. Ah ouais? Elle est incapable de se baigner, tout ça. Pour elle, c'est hyper compliqué. Et ça, c'est venu depuis toute petite. Et ce qui est dur, c'est qu'elle a quand même vécu à la Barbade. Bah oui, et qui est quand même un endroit paradisiaque. Du coup, ouais, grosse, grosse peur des poissons, au final. Cela dit, je suis pas très. Toi quoi? Pas très à l'aise, moi non plus, avec des poissons, quoi. Oui, mais enfin, tu vas dans l'eau, tu vois des poissons, tu fais ah, il y a un poisson, mais tu t'en fous, quoi. Non, le pire, c'est les bêtes qui sont sous le sable et qui te piquent. Non. Tu vois? Tu sais, c'est quoi le pire? C'est les anguilles. Les anguilles, ça pique et c'est moche. Ouais. Et, ah, alors ça. Mais où est-ce que tu te baignes pour te baigner avec des anguilles, toi? Je sais pas, mais moi j'avais deux phobies et j'avais peur de vous donner celle-là parce que je me suis dit, ils vont me faire un bain avec des anguilles et j'irai jamais. Ouais. C'est pour ça que j'ai donné le lait. Mais ça, les anguilles, moi ça me terrorise aussi. Hein. D'accord. Y a pas des anguilles? Non. Arrête, t'es connu. Et des anguilles dans du lait. Et Katy Perry, à votre avis? Alors, Katy Perry, c'est pas du tout animalier. Vous pouvez jouer chez vous. Katy N'allez Perry. Pas sur Wikipédia, évidemment, jouez. Alors, si c'est pas animalier, c'est quoi? C'est de la bouffe? Non. C'est un. C'est quelque chose en général. C'est quelque chose auquel on est tous confrontés. Genre le vertige, tout ça, le vide. Un peu dans ce domaine-là, mais c'est pas ça. C'est quelque chose, tous les jours, t'y as le droit. Elle a peur des camions. Non. Non, c'est un phénomène plus. Elle oh bah quand même. C'est un phénomène, tous les soirs, on y a le droit. Ah, le noir. Oui, elle a peur du noir, Katy Perry, c'est ouf. Elle l'a dévoilé en 2010. Ça me choque, moi, parce que je me dis quand même, la nuit, elle fait comment? Elle va pas dormir à 30 piges avec une veilleuse? Bah, si, si, pourquoi pas? Attends, moi, je suis bien contente chez moi, je ferme pas vraiment les volets et. T'as la lumière? J'ai toujours la lumière de mes voisins. Mais genre, t'arrives pas à dormir dans le noir absolu? Ben, avec si, quelqu'un. Avec quelqu'un, ouais. Et toute seule, t'es pas à l'aise, quoi. Non, je suis pas hyper bien, mais bon. A priori, on a un auditeur qui a peur du noir aussi. Ah, c'est Manon. Bonsoir, Manon. Bonsoir, les filles, salut à toute l'équipe. Salut, Manon. Ça va? Ça va bien et vous? Ouais, alors comme ça, on a peur du noir. Oui, peur du noir, bah comme Katy Perry, comme j'ai pu entendre. Donc, depuis toute petite, on a dû me traumatiser par ça. Et depuis à l'heure d'aujourd'hui, quand je sors dehors toute seule, c'est pas possible, faut que j'aille quelqu'un avec moi. Ah même oui. Pour aller aux toilettes, faut que j'allume les lumières. Ah, mais ça, c'est ouf. Mais alors, juste, par exemple, moi, j'ai une question toute conne. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, excuse-moi, mais moi, quand je vais aux toilettes, j'allume les lumières non, aussi. Non, mais pour se lever, pour aller aux toilettes, j'imagine. Ah ouais, je suis obligée d'allumer la lumière pour descendre et puis pour aller aux toilettes. Ah ouais, d'accord. Juste, quand par exemple t'as un chéri et que t'as envie de faire des câlins, c'est quand même plus sympa dans le noir. Bah non. Ah oui, ça me dérange pas, mais par contre, pour sortir dehors toute seule, dehors, c'est pas possible, quoi. Ah, Anso, c'est la lumière plein jour, c'est sympa de temps en temps, mais parfois c'est cool dans le noir, abuse pas. Non mais oui, mais enfin, je trouve que c'est quand même cool d'avoir une petite lumière d'ambiance allumée, quoi. Ouais, mais bon, s'ils ont envie de faire ça en pleine nuit, qu'il faut allumer la lumière, c'est super relou. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, effectivement, c'est mais un peu je pense qu'en fait, t'as plus peur quand t'es solo, quoi. Ouais, toute seule, ouais, même quand je suis avec mon conjoint ou du monde, j'ai toujours, enfin, j'ai moins peur, mais je suis très méfiante quand même, quoi. Mais ça, pour le coup, c'est hyper lié à l'enfance, parce qu'on a tous eu peur du noir quand on était petit, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et ça a toujours été, et puis, depuis, bah, ça reste, j'arrive quelquefois à les affronter, mais avec difficulté, quoi. Bah, écoute, même conseil que pour tout le monde, chérie, va consulter ou fais de l'hypnose. Ouais, bah, c'est ce que je vais voir pour faire, mais j'espère que ça va marcher. Est-ce que c'est vrai que c'est un handicap quand même, quoi. Je vous redonne le site là, de la psy qu'on a eu tout à l'heure, c'est www.paripsy.com. Et franchement, il y a plein d'infos dessus, donc va voir. Ouais, bah, c'est ce que j'allais faire. Tiens, je vais aller voir en vous écoutant. Bon, et bah, écoute, essaye de nous soigner tout ça. Et puis, bah, on se rappelle, tu nous tiens au courant. D'accord, il n'y a pas de souci. On okay. t'embrasse, Manon, bisous. Ouais, bisous à toute l'équipe. Et puis, on vous rappelle que ce soir aussi, en fin d'émission, on va vous offrir votre PS4 avec le jeu Lego Dimension. Ça, c'est cool. Ouais, ça se passe sur Facebook, le concours. Il suffit juste de liker et de partager le visuel. C'est Anso et moi qui tenons le jeu. Donc, allez-y. Et il y a déjà pas mal de partages. Hein. Voilà, vous pouvez nous dire hein, si vous trouvez notre nuit agréable, ainsi que notre coiffure. Hein, ça mange pas de pain. Bon, restez avec nous puisque dans un instant sur Fun Radio, Thibaut et Marion vont affronter leur peur. J'ai envie que ce soit Thibaut d'ailleurs qui commence. Ah, d'accord, on va finir par moi. Dans un instant, juste après Major Lazer sur Fun. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. I will still be patient with you. Sur Fun Radio, et vous avez bien raison, c'est Marion et Anso, le Night Show, il est 23h33. Restez là, puisque dans un instant, Thibaut Olaréa va devoir affronter sa pire phobie. Ça peut vous paraître bizarre, mais ce sont les poules. Oui. T'aimes pas les poules, bichon? Non. Bon, je t'explique ce qui s'est passé. On a installé là, juste en dehors du studio, on peut le voir, un immense poulailler. Enzo du Standard a des poules chez lui. On a eu de la chance, du coup, il les a ramenées. Elles s'appellent Cocotte et Minute. Elles sont hyper mignonnes, on les amuse bien. Elles ont de la paille, elles ont une bâche, elles ont tout ce qu'il faut à boire, à manger. Et donc, Thibaut, tu vas devoir pénétrer dans le poulailler et rester quelques secondes avec elle. Ok? Ça va aller ? Bah oui, ça... non. Bah oui, ça fait peur, je sais, mais c'est comme ça. Moi, je vais y passer après avec ma phobie du lait. Voilà, c'est un vrai dégoût, et puis bah c'est comme ça. Et on ouais. y est tous passés. Je vous rappelle quand même qu'Amir des réseaux sociaux s'est fait percer le nombril. Oui. Et que moi, j'ai vécu quand même une histoire sale avec un clown. Oui, alors pour tous ceux qui s'inquiètent sur les réseaux pour Amir, vous inquiétez pas, il va bien. Il va enlever tranquillement son piercing dans 2 jours. Voilà, c'est ça. Et d'ici là, on fera beaucoup de photos. Voilà. Mais ça va, hein. Franchement, il a même pas mal. Donc tranquille, vous inquiétez puis, pas. Il y a vous aussi au 01 42 48 5000. Il y a Lou qui nous a appelé. Bonsoir Lou. Bonsoir. Ça va Lou? Oui. Et alors, ouais. T'as quel âge toi? Moi j'ai 13 ans. D'accord. Et t'as peur de quoi à 13 ans? De l'orage. Ah, de l'orage. C'est marrant ça. C'est vrai que j'en avais déjà entendu parler. Et alors comment ça se manifeste? Dès que t'entends de l'orage, tu te sens pas bien ou que... Ouais, je suis pas bien. À chaque fois, genre, j'ai envie de... genre, ça me donne les larmes aux yeux et tout. Comme j'ai... des fois même je pleure, tout ça. Ah, je suis pas bien, tout ça. D'accord, et ouais, mais le problème c'est que tu veux pas trop le contrôler quoi. Il y a de l'orage, il y a de l'orage. Hein. Mais ouais. Par contre, Lou, t'as fait attention parce qu'en fait, ce qui nous fait peur, c'est quand la foudre tombe. Parce que c'est ça qui fait beaucoup de bruit. Ouais, mais en fait, moi, ce qui me fait peur surtout, c'est les éclairs. Bah oui. Bah oui, je sais bien, je sais bien, ouais, mon petit chat. Ouais. Mais ça, pour le coup, couleur, quoi. Je comprends. Et tu sais, les animaux sont hyper sensibles à l'orage aussi. Moi, ouais. Ma chienne, chez mes parents, mais tu peux être sûre qu'elle tape une crise d'angoisse s'il y a de l'orage, c'est ouf. Alors que moi, je vais te dire, Wacha, elle en a rien à foutre. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais, mais total. Si elle a un peu peur quand tu sens que l'orage est vraiment bien présent et elle reste un peu dans mes pattes, mais sinon, elle s'en fout totalement. Ah ouais, bah moi, tu vois, je suis pas très à l'aise. Je suis comme toi, Lou. L'orage, ça me met pas trop dans le bien, quoi. Bah moi, j'étais comme toi, Lou, quand j'étais jeune, et maintenant, j'aime beaucoup ça. Moi, j'adore. Ah ouais, ouais. Mais qu'est-ce que vous aimez? Bah, en fait, je sais pas, le fait d'être chez toi, dans ton lit, par exemple, quand il y a de l'orage, je trouve ça hyper kiffant. Et le mieux, c'est quand t'es avec quelqu'un, parce que t'es genre en mode, t'es protégé. D'accord. Tout, c'est bien. Mais quand t'es sur la route et qu'il y a de l'orage, t'as déjà fait? Oui, mais t'as les pneus, c'est anti, c'est un paratonnerre. Tu crains pas dans la voiture. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien surtout l'après-midi. De la pluie, de l'orage, je suis content parce que je me dis, de toute façon, personne fait rien. Ouais. Et puis quand il fait bien chaud, ça sent bon par terre. D'accord, vous êtes ouais, chelou. Ouais, mais il fait humide là, du coup c'est relou. Ouais, c'est vrai. Bon, écoute, hein, on fera l'émission. On attendra l'été. Bon, hey, Lou, moi je suis avec toi, j'aime pas trop l'orage non plus, ma belle. Ouais, mais après, bon, moi j'en avais jamais peur, tout ça. Enfin, il y a un éclair en fait qui a éclaté devant moi, donc c'est depuis là que j'ai vraiment peur. Ah bah j'imagine. Ah bah oui, Lou, forcément. C'est traumatisant ça. Ouais. Bon, écoute, c'est pas bien grave, il y en a pas souvent, et si vraiment ça te pourrit la vie au bout d'un moment, bah c'est pareil, tu iras faire une petite thérapie, puis tu vas te sortir de tout ça, il y a pas de souci. Mais arrête de lui mettre des bruits d'orage, Thibaut. C'est pas cool, la enfin, pauvre. On t'embrasse, Malou. Merci. Bisous. Bisous, courage. Thibaut, prépare-toi, dans quelques secondes, tu vas aller affronter les poules, mais avant, je vous ai retrouvé 2 phobies insolites. Oh ouais, on aime bien ça. Alors, elle est impossible à dire, c'est l'apopatodiaphulatophobie. Wow. Je pense que vous pourrez jamais deviner. Qui a inventé ces noms déjà? Écoute, c'est hyper bizarre, c'est la peur d'être constipé. Je te jure, c'est vrai. La peur d'être constipé, ça existe. Il y a des gens, ils sont phobiques de ça. Du coup, ils mangent que des choses à tendance laxative pour jamais être dans cette situation. Et c'est un truc de malade. Mais du coup, enfin, je sais pas. Parce que c'est hyper compliqué de manger des aliments à tendance laxative. Non, mais tu manges pas des trucs qui peuvent te constiper, tu vois. Ouais, mais à bout d'un moment, tu dois forcément en prendre. Je sais en pas. Tout cas, ils ont pas la phobie d'aller aux toilettes n'importe où. Non, ça ils s'en foutent. Mais du coup, ils regardent toujours leur selle, j'ai envie de te dire. Non, mais c'est en fait ce qui les gêne, c'est le fait de que ça sorte pas, tu vois. Une fois que ça sort, ils vont pas faire des analyses. Ça te dit qu'on fasse une émission spéciale aussi là-dessus. Et écoutez celle-là, la bélouéphobie. La bélouéphobie. Je connais pas. Est-ce qu'on peut deviner avec le nom ou pas? Impossible. Alors, tu peux poser des questions. Est-ce que c'est un corps humain, un aliment ou un animal? C'est aucun des trois. En rapport avec la nature? Aucun, non. En rapport avec la peur, le vertige, le truc? Non. L'atmosphère? Non. C'est un objet. C'est quelque chose. Ah voilà, c'est quelque chose de palpable. Oui. Un vase? Non. Une chèvre? Non. C'est un objet, une chèvre. Un couteau? Non, de toute façon, vous n'allez pas trouver. Béloéphobie, c'est la peur des épingles. Ah, j'étais pas loin. C'est un truc de malade. Donc tu ne peux pas coudre, tu peux pas faire tout ça. T'as peur des épingles? Non, mais enfin, j'ai bien conscience. Attention. J'ai bien conscience qu'on peut avoir la phobie de tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance de cette personne pour avoir la phobie des épingles? Il a dû se faire piquer. Bah merci Marion. Il a dû se faire piquer la peau. Bah, je sais pas, mais j'imagine. Ouais. Écoute, je sais pas, moi j'ai pas l'origine de tout, mais en tout cas, on pense à tous ces gens qui sont atteints de ces phobies parce que c'est pas facile. Ah oui, c'est pas simple, c'est sûr. Après, ça va, les épingles, t'en croises pas tous les jours non plus dans la rue. On est d'accord. Amir, justement, est-ce que tu peux regarder vite fait sur Google comment ça s'appelle la peur des poules, puisque ça y est, Thibaut Alaréa va devoir aller affronter sa phobie. Est-ce que tu te sens prêt? Non, enfin... En fait, de loin, comme ça, je m'en fiche, ça me dérange pas du tout. Alors, c'est pas grave. Branchez-vous évidemment sur la page Marion et Anso sur le Facebook. On est en Facebook Live. Il y a un poulailler qui a été installé, un grand poulailler avec deux poules dedans qui appartiennent à Enzo. Enzo, elles sont cool tes poules. Ouais, elles sont hyper cool, Cocotte et Minute. D'ailleurs, rejoignez leur page, Cocotte et Minute. D'accord, oui Amir. Ça s'appelle l'ornithophobie. Ornithophobie, ah ouais. D'accord, rien à voir du coup. Moi, ah non, merde, c'est la peur des oiseaux ça. Ah bah alors, t'as un truc à faire. Moi, est-ce qu'on n'a pas un spécialiste de la phobie dans cette émission? Amir, tu tapes juste phobie des poules, ça devrait arriver ouais. Hein, normalement. Il est cool. Bon, Thibaut, ouais. Bichon, va falloir y aller, va falloir que tu pénètres dans le poulailler. Je vais te demander quand même de pas trop être loin des poules, sinon c'est trop facile. Je veux pas que tu les caresses, je veux juste que tu sièges à côté d'elles. Est-ce que c'est possible pour toi? Et tu pénètres dans le poulailler, pas dans la poule. Allez, vas-y Bichon, ça va bien se passer. Donc en fait, il est parti. Ça, de loin, ça me dérange pas, tu vois, genre dans la cage, c'est pas grave, mais. Et en plus, elle est très très grande cette cage, hein. Elle est très très grande et je vais pas vous mentir, elles ont fait leurs besoins évidemment, puisque c'est des poules. Ouais. Bah, ce sont des animaux, quoi. Hein. Ce sont des vraies poules. Alors, Thibaut, comment tu te sens? Tu peux y aller ou pas? Allez, vas-y. En fait, allez, vas-y. Ouvre la cage. faut pas qu'elle sorte de la cage. Il est toujours pas allez, dedans. Dégage. Non. Il est toujours pas dedans. Ah, c'est des dinosaures, ces trucs. Mais non, mec, c'est allez, deux poules. Dégage, il y en a que deux en plus. Et il est très viril quand il crie, lui. C'est un truc doucement. Doucement, il est dedans, ça y est. Elle va m'attaquer. Elle va pas t'attaquer, c'est pas possible cette voix. Mais attends, mais le gars, il est. Mais attendez, mais c'est énorme. Le gars, il est terrorisé par la poule, quoi. Ouais. Allez voir le live Facebook. Non, mais faut pas les stresser parce que moi, j'aime pas ça. Thibaut, ne les stresse pas, les poules. Calme-toi. En plus, elles viennent vers lui, elles sont hyper sociables. Ah, une petite caresse. Une petite caresse. Moi, je pensais pas que les poules, ça venait vers toi comme ça. Bah, en fait, elles sont très dociles. Mais surtout, elles ont été éduquées comme ça parce que Enzo, il est hyper chou avec. Alors, Thibaut, à l'area, est-ce que tu peux essayer de les caresser parce qu'elles sont archi gentilles? Ouais. Est-ce que tu. Non, ils mettent des graines dessus. Excuse-moi, je t'ai pas entendu, Marion. Est-ce que tu peux la caresser? Allez, essaye. C'est vrai qu'ils lui mettent des graines dessus, du coup, ça attire les poules. C'est un truc de ouf. Arrête avec tes graines. Il va pas y arriver. Ah si, il la touche. Il y va. Il met la main. Il a touché. Oui, Thibaut. Il a touché. C'est bon. On peut l'applaudir. Bravo, Thibaut. Bravo. Franchement, on applaudit un mec qui touche les poules. Hein. Bah écoute, c'est sa phobie, franchement, c'est bien. Et alors, c'est énorme cette vision que j'ai de Thibaut dans la cage, dans la paille, au milieu des excréments et des poules. Franchement, bravo, mon pote. Reviens, merci. Rejoins-nous. Tu as surmonté ça et tu es beau. J'espère qu'ils ont pris des photos parce que c'est magnifique. Ouais, non, mais bien sûr, il y a les photos et il y a le live sur la page Facebook Marion Enzo. Et puis, faut savoir que les poules vont atterrir maintenant dans le jardin de Enzo. Bah oui, c'est les siennes. Chez ses parents. Bah oui. Et bah, du coup, toute l'année, on va avoir des nouvelles d'elles. Oui, et puis on va avoir des œufs. Ah ouais. Eh ben dis donc, j'y pense au gâteau et tout ça, quoi. Pas folle la guêpe. Ah oui, pas folle la guêpe. Bon, restez avec nous puisqu'on ne bouge pas sur Fun Radio. On parle phobie avec vous. 01 42 48 5000. Alors que Thibaut est en train d'essayer péniblement de sortir de cette cage. Et puis Marion, toi, tu vas aller essayer de surmonter la tienne dans un instant. Je vous rappelle que Marion a la phobie du lait. Restez là. Hashtag le Night Show aussi pour réagir avec nous. On vient tout de suite. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Et cette chanteuse américaine qui vient de devenir la première à passer les 100 millions d'abonnés sur Instagram. Et je te passe en plus un extrait de la chanteuse. Whitney Spritz. Whitney Spritz. Vous connaissez les Spritz, les cocktails italiens? Bien sûr. C'est Whitney Spritz, un peu bourré, mais super sympa. C'était Selena Gomez. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio, sur iPhone. Yo, this is the Major Lazer, and we are on Fun Radio. Fun Radio, le son dance floor. you got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Il n'y a pas que Anso et moi, il y a toute l'équipe. Hein. Franchement, tout le monde y est passé. Il ne reste plus que moi et ma phobie du lait. Oui. Donc, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, c'est du blabla, c'est du mytho, la phobie du lait, c'est trop facile et tout. Mais je vous promets sur ma vie, le lait, ça me dégoûte. Je vais essayer de ne pas vomir parce que je n'ai pas envie de faire quelque chose de scabreux. Mais vraiment, c'est un rejet pour moi. Mais tu sais qu'en réalité, on en parlait tout à l'heure avec Alice de Love in Fun, parce qu'elle a la même phobie que toi. Elle n'aime pas le lait non plus. Et elle me dit, pour moi, c'est vraiment le pire truc qui pourrait m'arriver. Ah, mais c'est le pire truc qui pourrait m'arriver. Visiblement, à Fun Radio, on a des femmes à tendance un peu spéciale. Et il pue en plus, Solaire. Et j'aimerais saluer ma maman qui n'en a absolument rien à foutre, qui m'a écrit j'espère que c'est du lait d'ânesse, c'est bon pour la peau. Alors, Amir, vous connaissant, vous avez pris du lait en brique. Ouais, bah, premier prix. Il est périmé. Bah oui. Déjà, il est périmé. Arrête, il est périmé. Bah, on ne valait pas gâcher mon prix. Bah, oui. Évidemment qu'on n'allait pas mettre. Ah non, mais attends, je vous explique. Le lait périmé, c'est pire que tout. Bah, c'est pour ça que je te dis, t'as pas voulu relever, il pue. Oui. Ah mais ça me dégoûte. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, on va pas te gâcher de la nourriture. Bah vous pourriez le boire après. Ah non, c'est n'importe quoi. Bon, juste avant que tu y passes, Babar, on a de l'auditeur avec nous. Il y a Valentin de Caen qui nous a appelé. Bonsoir Valentin. Allô. Oui Valentin, ça va? Oui, ça va et vous? Bah ouais, très bien poto, t'as quel âge toi? Eh les filles, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Surtout ce soir. Alors Valentin, super. Présente-toi, t'as quel âge? Alors moi j'ai 16 ans. Ok, t'as 16 ans, et est-ce que tu as peur de quelque chose? Alors oui, alors moi j'ai beaucoup, vraiment beaucoup peur des chauves-souris. Ah ouais, pas bête. C'est vrai que cela dit, c'est pas un animal à qui t'as envie de faire des beurres et des câlins. Hein. Non, non. Ouais, voilà, c'est ça. Et parce qu'il m'est arrivé quelque chose, moi, enfin, comme l'a dit la psychologue là tout à l'heure, et ben, il m'est arrivé quelque chose de, enfin, assez frustrant, enfin, je sais pas si ça se dit. Bah, oui. Dans ma vie, là, ça fait pas si longtemps que ça, quoi. Ça fait, on va dire, 4 ans. Et j'avais assez chaud. Attendez, je vais couper la radio parce que du coup, je m'entends, c'est vraiment chiant. Bah oui, c'est vrai que c'est malin de faire ça. Coupe la radio. Et ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais chaud un moment, et puis j'ai ouvert ma fenêtre. Et puis il faisait assez noir quand même, et puis il y avait je pense que c'était la lumière qui attirait plutôt ces bestioles là quoi. C'était, il y avait les moustiques et puis bon, il y avait les plus grosses quoi. Non, ça voit pas les chauffeurs. Et du coup bah il y a un moment je suis partie aux toilettes, descendue puis j'avais la fenêtre grande ouverte. Ouais. Et puis j'écoutais Fun comme toujours. D'accord. Et puis je rentre et il y avait une chauve-souris derrière la porte mais sur la clenche. Alors j'ai flippé et puis c'était un truc de fou, je me suis mis à pleurer. J'avais 13 ans, 12 ans et c'était vraiment un moment voilà quoi. Mais après Valentin, t'as peur parce que ça t'a surpris, parce que tu t'attendais pas à voir une chauve-souris. Je pense que si ça avait été un ragondin ou un ours, ça aurait été pareil. C'est impressionnant comme animal et tu sais, moi j'ai eu la même expérience que toi, c'était cet été. Ouais, je pense. C'était mais Il veut pas connaître mon histoire. Mais si, vas-y, bah tu veux connaître mon histoire, Bichon? Oui, oui, je veux bien, oui. Eh ben, c'était cet été, c'était au Croisic, dans la maison de mes parents, en Loire-Atlantique. Et en fait, elle est passée par la cheminée, par la courroie de la cheminée. Et du coup, elle est sortie et la pauvre, elle a paniqué. Donc, elle a fait caca partout dans toute la maison, jusqu'à ce qu'elle trouve une échappée par la fenêtre. Et c'était terrible. Et moi, j'ai pas peur des chauves-souris, mais j'avais énormément de peine pour elle parce qu'elle avait peur de se faire attraper. Elle était en panique. Enfin, mais c'était un enfer. C'est ça. Et du coup, tu te dis, bah, des chauves-souris au Croisic, pourquoi? Mais en fait, il y en a partout. Mais oui, il y en a partout. Oui, mais alors, moi, tout de suite, là, j'ai toujours peur parce que du coup, quand je sors pour fumer une cigarette, par exemple, la nuit, et ben, il y en a qui me passent, enfin, qui me frôlent, quoi. On dirait qu'ils veulent m'attaquer, qu'elles m'en veulent. Arrête de fumer, ça t'apprendra. C'est le karma. C'est trop ça, c'est. Enfin bon, voilà. Non, mais faut pas que tu sois trop inquiet, c'est arrivé une fois parce que la pauvre, elle s'est perdue. Mais en réalité, tu vas pas croiser de chauve-souris toutes les 5 minutes, Valentin, d'accord? Ouais, puis bon. Mais je sais pas trop à quoi trop ça ressemble. C'est pas une souris qui vole, c'est pas. Pourquoi ça s'appelle comme ça, en fait? C'est un rat avec. C'est une espèce de petit mini rat, mais en vrai, c'est mignon. Avec des grandes ailes noires. Et tu sais que dans la jeunesse de Batman, c'est pour ça qu'il est devenu Batman, parce qu'au début, il avait peur des chauves-souris. S'était fait attaquer et du coup il s'est servi de sa peur pour en faire une force. Et voilà. C'est pareil, poteau. Faut que tu fasses ça, Valentin. On t'embrasse en tout cas. Merci de nous avoir appelé, Bichon. Et on a Lucie aussi qui est du côté de la Mayenne. Bonsoir, Lucie. Bonsoir, toute l'équipe. Ça va? Salut, la Mayenne. Ça va et toi? Ça va, nickel. Lucie, est-ce qu'on peut deviner ta phobie? Est-ce que c'est devinable? Oui. Ah, alors, est-ce que c'est un animal? Non. Est-ce que c'est genre un truc qui ressemble à la peur du vide? Non. Est-ce que c'est quelque chose de palpable? Non. D'accord, ça se mange pas? Si. Ah, c'est un aliment? Oui. Mais d'accord. C'est peut-être juste une allergie? Non. Et c'est un fruit ou un légume? Un fruit. Ah, t'as peur d'un fruit, d'accord. La fraise, la framboise, la banane? Non. La pêche, l'abricot? Non. L'avocat? Un indice. La tomate? Non. Un indice. C'est orange. Ah, bah, l'orange. À l'orange? Bah oui. Ouais. Lundi de ouf. Ah, t'as peur des oranges et pourquoi ça? Bah, je sais pas, c'est la texture avec la peau et les trous dedans. Ah ouais, je comprends un peu, mais les clémentines aussi du coup? Non. Et le jus d'orange, t'en as pas peur du coup? Non, j'adore ça. Ah, c'est vraiment le fruit en lui-même. Ah, c'est drôle. Ouais. Mais une fois que t'as enlevé la peau et que t'as le fruit, tu peux croquer dedans? Bah, je sais pas, j'ai jamais essayé, en fait, j'ai toujours bu que du jus. Ah, essaye, parce que le fruit frais, c'est extrêmement bon. C'est chiant à décortiquer. Ouais, c'est chiant. Bah, je sais, parce que ma mère, des fois, elle me fait des jus d'orange frais. Voilà, donc, Alors, en fait, toi, ce qui te fait clairement bloquer, c'est pas vraiment le fruit, c'est plutôt la peau du fruit. Ouais. D'accord, bah, je comprends, ça a un aspect un peu granuleux, un peu cracra comme ça, mais enfin. Bon. Ça peut rien te faire, quoi. Mais enfin, c'est complètement inoffensif. Ouais. Ah oui, mais bon, les phobies sont inexplicables, Anto. Moi, j'avais eu peur des pêches quand j'étais petit, parce qu'une fois, j'avais ouvert la pêche et il y avait une bête à l'intérieur. Ah oui, moi aussi, ça m'arrive, et ça arrive beaucoup avec les pêches, ça. Et du coup, ça m'avait fait flipper et après, j'ai eu peur des pêches longtemps. Ouais, mais pour le coup, c'est dans tous les fruits, ça, donc ça veut rien dire. Mais effectivement, les verts, c'est dégueu. Ah, particulièrement les pêches, je trouvais. Les abricots aussi, faut se méfier. C'est ça. Méfiez-vous. Orange, pêche, abricot. Faites gaffe, les gars. Bon, bah, ma bichette, c'est pas bien grave, surtout si tu peux boire du jus d'orange. Si c'est juste le fruit en lui-même, ça va, c'est surmontable. Ok? Ouais. Allez, bisous, on fait des bisous. Je peux faire une petite dédicace ou pas? Bien sûr. Oui. Je fais une dédicace à la 3ème de Zombosco à Mayenne, je vous aime tous. Eh ben, on l'embrasse. Bisous à la Mayenne. Bisous à la 3ème. Salut, Lucie. Bisous. Bon, les copains, il est 23h53. Ça veut dire que dans un instant, je vais affronter ma phobie. J'imagine que c'est dehors. Oui, c'est dehors. Et tu vas peut-être avoir un peu froid. Hein. Ah, Bichette, je suis obligée de me mettre en maillot et tout. Bah, tu es comme tu veux, mais. D'accord, mais dis-le-moi, je dois plonger dans une piscine de lait, c'est ça? Tu vas être obligée de t'immerger dans du lait. Je pourrais pas mettre la tête, hein, je vous dis. Non, mais déjà, si j'arrive à mettre le corps, mais je pourrais pas mettre la tête. D'accord. Non, mais sachez-le. Non, mais si tu peux mettre la tête, c'est quand même mieux pour Non, d'accord. Je mettrai pas la tête. Bon, juste avant que tu ailles sur la terrasse de Fun Radio t'immerger dans du lait, on vous a lancé un grand concours en début d'émission, un jeu PS4. Vous gagnez votre PS4 avec le jeu Lego Dimension. Oui. Il fallait simplement liker et partager sur la page Facebook. Vous avez été hyper nombreux à partager, c'est un truc de fou. Ça a cartonné. On commencera peut-être dans la semaine, du coup. Ouais, avec des trucs vraiment cool comme ça. On va appeler le gagnant tout de suite. C'est vrai que c'est un jeu de malade, hein, Lego Dimension. Hein. En fait, t'es immergé dans des films. Tu peux faire Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Jurassic World et tout. C'est ça. Et puis tu joues avec les petits. Petites figurines. Les figurines que tu poses, ça interagit avec la play. C'est super. Ouais, c'est cool. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Tu t'appelles? Mais non. Mais si. Cédric? Cédric, c'est ça? C'est je reconnais la voix. Bah, je sais pas, c'est qui? Ah, bah, j'ai l'impression que c'est le Nacho. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là! c'est énorme. Ah, merci. C'est ça, cela dit, on t'a rien annoncé encore. Hein. Ah, mais même vous avoir, déjà, ça me fait plaisir. Oh, bébé, il est bon, lui. Et Cédric, même vous avoir. Est-ce que tu as partagé la photo qu'on a mise avec Marion sur la page Facebook? J'ai partagé, j'ai liké, je vous écoute tous les soirs, vous déchirez. Et comment tu nous trouves sur cette photo, Cédric? Pardon? Comment tu nous trouves sur cette photo? Ah, bah vous êtes tous géniaux, tous magnifiques. Ah, c'est. Ouais, il sait comment nous parler. Hein. Ouais, grave. Mais. Ouais. T'avais besoin d'une PS4 ou pas? Bien sûr que j'avais besoin d'une PS4. C'est gagné, bravo. Ah, merci, vous déchirez. Franchement, vous déchirez. Ah, c'est merci Marion, merci Anso, merci Amir. Spécial dédicace aussi aux sourcils d'Amir. Parce que sans eux, je pense que l'émission ne serait pas pareille. Et d'ailleurs, non, mais surtout qu'en plus, on fait une émission spéciale phobie. Il n'y en a pas un qui nous a appelé pour dire qu'il était phobique des sourcils d'Amir. Ah, tu vois. Eh ben écoute, fallait m'appeler alors. Fallait m'appeler. On est contente pour toi, mon pote. On t'envoie ça à la maison. La PS4 plus le jeu Lego Dimension. Tu vas t'éclater. C'est un truc de ouf. Hein. Ah, bah merci. Franchement, vous déchirez. Vous déchirez. Je vous écoute tous les soirs. Restez comme ça. Vous déchirez. Et mon pote, je t'invite à te brancher maintenant sur la page Facebook Marion et Anso, puisque ça y est, je vais aller affronter ma phobie du lait. Allez, j'y vais. Ah, bah écoute, bon courage. Quitte merci, studio. Cédric, on t'embrasse, mon chat. Bisous. Bisous, bonne soirée. Tiens, merci encore. Bisous. Bon, il est temps, après ma phobie des clowns, après la phobie d'Enzo, des insectes, après la phobie de Yannick, des serpents, Thibaut, qui avait la phobie des poules, Amir, qui avait la phobie des aiguilles et qui s'est fait percer le nombril. Nous allons passer à celle de Marion. Marion a peur du lait. Oui, je vais découvrir ce qui m'attend. Je me dirige vers la terrasse et rien que dans le couloir qui mène à la terrasse, je suis congelée puisque j'ai mis un petit short avec un maillot de bain en dessous puisqu'on m'a dit il te faut un maillot de bain. Donc, est-ce que tu m'entends bien, Anso? Ouais, on t'entend super bien. On t'entend très bien. Alors, j'arrive sur la terrasse, je vais attendre le dernier moment pour me enlever le t-shirt. Donc, effectivement, il y a une cuve. Ah, c'est sympa, on dirait une grosse poubelle. Merci, mais ça me flatte. Et c'est vrai que vous allez voir là, si vous vous connectez. Ah, mon Dieu. Mais ça ressemble à vraiment une énorme poubelle qui fait 400 litres, je crois. 300 litres. 310 litres. 310 litres, exactement. Les gars, je sais que c'est risible. Je sais que vous prenez ça à la rigolade. Mais je vous promets que j'ai arrêté de demander à mes parents. J'ai arrêté de boire du lait à un an. À chaque fois qu'on approchait un verre de lait de mon visage, je vomis. C'était oui, un truc de malade. Je sais, Baba. Et là, ils n'ont pas encore ouvert la cuve, mais je sens qu'elle va être remplie à ras-bord de lait, Baba. J'ai très peur. Hein. Alors, si tu veux, il y a des encouragements sur la page Facebook, Marion. Il y a Kevin qui dit hop, Suisse. Pas ce que ça veut dire, par contre. D'accord, bah merci, Kevin. Et Néo qui dit que tu as des jolies jambes. Et moi, je trouve que tu as des très jolies jambes. C'est très gentil. Je vais enlever le haut. Je suis pas très à l'aise d'être en maillot de bain, je vous le dis. Hein. Bah, c'est pas la pas folie. C'est pas à l'aise, Baba. J'enlève mon casque, j'enlève le haut, je passe le micro à Amir qui va. Comment? Oh mon Dieu, ça y est, ils ont enlevé la cuve. Baba. Oui, mais enfin, ils ont enlevé le. Ah non, mais c'est du lait, mais vous auriez pu le diluer, les gars. Non, oh putain. Attends, Marion ne vomit pas, par contre. Non, mais Baba, je peux pas aller là-dedans. Je te jure, je peux pas aller là-dedans. Non, mais. Ah non, mais il y a des choses que je peux faire, mais. Allez, on l'a tous fait, on a tous réussi à combattre notre phobie. Hein. Et c'est vrai que, je vous le dis, auditeur de Fun Radio qui nous écoutait, on a vraiment rempli la cuve remplie de lait. Je peux pas aller là-dedans, mais sérieusement, c'est. Oh, mais ça me dégoûte! Oui, mais je comprends bien. Bon, d'accord, c'est bon, je vais y aller, je vais faire vite, mais je passe le micro à Amir. Oh. Amir, je compte sur toi pour nous décrire ce qui se passe, hein. Nous on voit pas. Alors là, Marion, elle est en train d'enlever son petit t-shirt, je ne te cache pas qu'elle est en maillot de bain. Ouais, et c'est pas désagréable, c'est ça que tu veux dire? Bah, c'est plutôt mignon à regarder. Alors là, ça y est, hein. Elle est devant la bassine, elle monte sur la chaise. Ouais. Marion, une impression juste avant de sauter dans la petite bassine de 300 litres de lait. Je sens l'odeur, franchement ça a gerbé les gars, je vous jure, je crois que c'est la pire phobie du monde, je vous jure. Il y a des croûtes sur la surface du lait, il y a des croûtes de lait caillé. C'est un peu normal. Hein. Bah oui, parce que c'était du lait pourri. Donc en revanche, Marion, les gens t'aiment, les gens sont heureux de te voir en maillot de bain. Je suis hyper gênée, je suis pas bien, j'ai plus aucune dignité, Baba, là ça va pas. Allez, t'es une championne, alors, c'est ce qu'ils disent sur Facebook. Alors attention, elle met le pied gauche dans l'eau, ça y est, c'est parti. Allez Marion, maintenant faut que tu ailles. Hein, parce attendez, faut que vous l'aidiez parce que c'est profond. Hein. Bah en fait, bon, de toute façon, ça va pas bouger. Hein, 300 litres, ça bouge pas. Bon, Marion, t'y vas? Je vais vomir. Mais non, Marion. Marion. Elle a des petites remontées. Hein. Marion. Elle a mis son pied gauche dans l'eau là. Marion, c'est pas le but. Ne vomis pas, je t'en supplie. Ah, j'ai toute la jambe dedans. Ça allez. Donc, ça y est, Anso, Marion. Elle a les deux jambes dans la bassine de lait. Elle a les deux jambes dedans, ça y est. Elle a les deux jambes. Est-ce que tu veux qu'elle se baisse? Je veux qu'elle se baisse un tout petit peu. Jusqu'au nombril. Jusqu'au nombril. Allez, Marion, jusqu'au nombril. Jusqu'au nombril et on arrête, Bab. C'est pas sympa, il y a beaucoup de caméras. Franchement, c'est du foutage de non, gueule. Non, mais c'est pas. C'est pas sympa. C'est pour toi. Il y a Nico qui me filme, Bab. Il est pas gentil. C'est pour toi. Allez, attention. Elle est à 2 cm du nombril, là, ça y est. Allez, oh là là. Allez, descends. J'ai envie que le lait, il aille jusqu'en haut. Non, mais attends. Et la pauvre, on dirait. Non, il faut la sortir de là. Moi, je elle est sortie, mais il faut que quelqu'un l'aide, mais personne n'a envie de l'aider. Allez, aidez-la, elle est la pauvre. Allez, ça y est, Enzo l'a aidée, elle est sortie de. Et franchement, on peut l'applaudir quand même, les gars. Allez, bravo, on l'applaudit. Bravo, Babeur. Mais maintenant, vous avez prévu une serviette, une douche, quelque chose, parce que j'ai du lait partout sur moi. Oui, oui, on a prévu tout ce qu'il faut, on a de la serviette et tout, t'inquiète pas. Ah, merci Babel, c'est terrible, hein, je suis pas bien. Hein. T'as regardé le Facebook Live ? Oui, j'ai regardé le Facebook Live, t'étais magnifique, les gens te trouvent très belle, les gens sont morts de rire. Je peux pas faire plus, hein, la tête, je peux pas. Hein. Et les gens aiment ton corps, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. J'aime les gens, merci. Bon, en tout cas, Marion, reviens tranquillement, on va sécher. Nous, on va se retrouver demain en direct sur Fun Radio à partir de 22h, bien sûr. Demain, c'est Pitbull qui sera notre invité dans l'émission, ça va être Chamé. Ouais. J'ai hâte de recevoir ce garçon parce qu'il a l'air vraiment trop trop cool. Anso. Oui, Amir. On a fait une bêtise. Qu'est-ce qui se passe ? On a oublié les serviettes. Et tout ça. Ah merde. Oh merde. Bah lui dites peut-être pas si elle vous a pas entendu. Oh mais j'arrive en studio Anso. D'accord, ça marche. Bon, Pitbull sera notre invité demain. Hashtag le night show, on communique comme ça tout le temps. Et puis demain matin, c'est Bruno dans la radio qui sera avec vous. Et puis là tout de suite, vous allez retrouver Mico C avec un Party Fun Deepa. C'est quoi cet accent de chaudasse? Mais je sais pas. Non, pas du tout chaudasse, chaudasse mec. J'ai fait Party Fun Deepa. Ça excite personne. C'est vrai. Ça va, Mico C? Si, j'ai un petit côté sexy quoi. C'est quoi ta phobie toi? Alors j'ai deux phobies. Ma phobie c'est, je pense que c'est le saut à l'élastique. Ah ouais, ouais c'est vrai. Autant le parachute ça me va, mais sauter dans le vide c'est chiant. Et ramener une meuf qui veut dormir dans le noir. Ramener une meuf qui veut dormir dans le noir? Ouais. Bah les gens dorment dans le noir normalement, non? Bah attends, toi t'as la phobie du noir? J'ai pas la phobie du noir, mais dans ma chambre il y a une horloge radio dans le même genre que ça. Il y a l'heure sur ma box, il y a plein de trucs. Il y a le détecteur de fumée où il y a une espèce de veilleuse quand tu te lèves. Ah d'accord. Donc ça va me saouler. Ouais, je peux comprendre. Bon bah et donc si vous n'aimez pas les loupiottes, n'allez pas dormir chez Mico, c'est exactement. Que je vous dise. Bon donc rendez-vous demain en direct à 22h. On va retrouver Marion qui vous fera un petit coucou sur les réseaux tout à l'heure. Puis nous on se quitte en chanson les garçons. Bien sûr. Est-ce qu'on était contents d'être là ? On était contents d'être là. Yeah. Oui. Anso, j'ai une chanson pour toi et pour Marion. Ah. Les produits laitiers, c'est nos amis pour la vie. Ah, nos amis pour la vie, bien sûr, évidemment. Merci beaucoup. Jusqu'à 1h. C'est Party Fun Deep. Sur Fun Radio. Let's go. Party Fun Deep. Party Fun Deep. Avec Mico C. On Fun Radio. Party Fun Deep. Un Party Fun Deep le dimanche soir, histoire de bien profiter de ce qui reste du week-end. On se fait plaisir avec vos sons préférés. On approfondit tout ça, une session un peu profonde, deep session. On y va à la cool, très bien. Party Fun Deep, allez. Jusqu'à 1h du matin avec vos sons préférés. Party Fun Deep saison 2, émission 5, avec Emmanuel Riva, avec Maiko, avec Craig David Sigala dans le premier quart d'heure et la bombe de Carlos Dream maintenant sous Pianami. Je m'appelle Mico C, je mixe Party Fun Deep jusqu'à 1h du matin. On y va comme ça. Welcome on board. Jusqu'à 1h. C'est Party Fun Deep. Sur Fun Radio. Let's go. Party Fun Deep. Party Fun Deep. Avec Mico C. On Fun Radio. Party Fun Deep. Ah bah si l'intro repart du début, on va la faire comme ça, très bien. C'est aussi ça le direct, retour du Night Show demain. Et nous on est parti effectivement jusqu'à 1h du matin. Voilà, vous l'avez compris, on va se faire plaisir. On termine le week-end avec vos sons préférés. Party Fun Deep, saison 2, émission 5. Et Carlos Dream, maintenant sur Fun. Secret. Și ca un hoț ai intrat sub ela mea. Știi de-o vreme fetele, fetele cochetele. Nu mai pot da tu da sub ela mea. Și știi, eu te rog să nu faci prostii. Eu nu-s prost, dar mă tem cumva. De tine, de mine, de noi, pentru că tu ești sub ela mea. We'll be right back. ai vrea. Dar mărul e mușcat și între noi e doar ea. O rupeai, te rupeai, te rupeai. Tu, tu, tu, la mea. Nu ține cont de inimi pe care le-a rănit atât de rău. Oh, eroină, oh, oh, eroină, oh, eroină mea. Oh, eroină, oh, oh, eroină, oh. C'est parti fun. Deep. Sur Fun Radio. Stop the world from spinning around. Feels like the sky is falling down. Can't breathe in, I can't breathe out. I'm afraid that I might drown. Can't stay afloat, I'm just skipping. Just a skip and a stone.